Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Jean-Michel Lavoie, pile dude dans Prototype. Non! Rétro Nouveau. Aujourd'hui à Rétro Nouveau, les VJ de Musique Plus parlent jeux vidéo avec nous. Les jeux Fez, Druxton, Bit Trip Beat, Superman, Zelda The Minish Cap, The Walking Dead, Shatter End. On discute fanboying et le top 5 des pires ports d'arcade à console. Hey, bonjour et bienvenue à ce 25e épisode. C'est le 25e, finalement. C'est le 25e! Mais tu sais, pour nous autres, c'est à peu près le 32e, étant donné la quantité d'épisodes qu'on a gaspillé avec nos problèmes techniques. Ben oui. Puis, problèmes techniques, on a eu encore une fois la semaine passée. Et vous avez bien vu ça, mais... Le problème technique, c'est à gauche. J'ai une graine de chip dans le fond de la gauche. Mais pas une d'autre du 24e épisode. Là, mais c'est ça. Le 24e, c'est parce que, dans le fond, là, moi, ce que je veux dire au monde, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent, ils me disaient, ben là, votre 25e, c'est parce que vous avez même pas eu de 24e épisode, puis le 7e épisode où ta femme est enceinte, ça dure c'était deux pas minutes. Vrai, c'était pas vrai, tu sais. Premièrement, 7e épisode, 100% véridique, je vous le jure, là, c'est vraiment très, très, très, très vrai. In your face, André de Sorel. Puis, puis pour ce qui est du 24e, moi, c'est ça, c'est juste que... On l'a fait! Ouais, on l'a fait, cet épisode-là. Il existe, mais on a tellement rushé, il y a tellement eu de problèmes dessus, puis le son était tellement minable qu'on en parlait depuis un bout, moi plutôt, puis on se disait, hey, ça serait donc drôle, pareil, de mettre ça en ligne. Absolument. Que le monde se rende compte à quel point c'est tellement pas écoutable, tu sais. Mais en plus, tu sais, dans le fond, t'as comme fait un montage, tu sais, t'as tweaké un peu, tu sais. C'était pas aussi trash que non, ça. Non, c'était vraiment pas aussi pire que ça. On a, Bruno, il a fait un montage, puis on a fait une joke avec ça. Ben là, oui. Mais l'épisode, il est vraiment pas écoutable. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui disent ah, c'est pas grave, mettez-le pareil, ça ne me dérange pas. Puis écoute, on est très flattés de ça. Merci, c'est flatteur. Merci, c'est vraiment flatteur. Mais on veut pas mettre trop de marde là, en non, puis on. Tu sais, on je pense que le monde s'en rend compte qu'on met beaucoup de temps dans Rétro Nouveau, puis on vraiment, tu sais, on s'arrange pour que le montage soit vraiment clean, puis que nos affaires soient de meilleure en meilleure. On essaye tout le temps de s'améliorer. Tu sais, même juste mettre la musique derrière nos voix, il y a une recherche qui est mise là-dedans. Tu sais, il y a vraiment tout un processus à création d'un épisode, puis on veut pas vous donner un épisode qui sonne comme un épisode que vous avez acheté au Dolorama. Là. Non, on c'est ça. À part l'épisode 18, où est-ce que je savais pas qu'il fallait que je parle proche du micro. Mais j'étais pas si pire, il y avait des bouts corrects, donc on l'a laissé celui-là, mais ouais, c'est ça, il y a des limites là, mais pour le reste, quand on pouvait pas les mettre ces épisodes-là. Ben non. Mais là, bon, j'ai fait des tests encore, puis on y est là. On y est. Mon problème, je pense, et merci à tout le monde qui ont répondu, puis qui ont venu nous aider. Oui, merci énormément. J'ai downloadé un autre logiciel, mais le problème est survenu dans ce nouveau logiciel-là aussi, alors... Je pense que c'est mon disque dur qui partait un backup automatique. Oui. Puis il y a de quoi qui partait dans mon ordinateur, puis ça créait une statique. Puis la statique embarquait dans le micro, puis là, ça faisait ça en arrière de nos voix. Là. Alors là, il n'y a rien d'autre qui run dans mon ordinateur à part Audacity, Google Chrome pour aller voir nos Facebook, Twitter, puis that's it. Fait que là, il y a disque dur est débranché, tout est débranché, puis j'ai fait un test, puis ça a marché. Alors, on se croise les doigts. C'est ça. Si ça marche pas, on a notre ancien micro des premiers épisodes backup. Sur la table qui nous enregistre aussi. Alors, si nos gros micros fonctionnent pas, ben on va avoir le Zoom qui fait un job correct. Alors, c'est ça. Fait que ça non, marche. C'est ça. Fait que là, on est tellement... Vous avez pas idée, pareil. Ah non, c'était vrai que cauchemar. On est vraiment content que ça marche. Tu sais, c'est le 25e épisode, c'était supposé être une célébration en quelque sorte, mais pour nous autres, c'est une célébration parce que on a réussi à vaincre nos problèmes de son. Oui. C'est pas rien, là. Puis ça c'est... nous fait quoi? Parce que c'est arrivé 4 fois qu'on a trashé un épisode, tu sais, à cause des problèmes de son ou des problèmes techniques. Puis à chaque fois, on est comme shit, là, tu sais. Oui, puis il était bon, celui-là, tu sais. Puis tu peux pas reprendre tes jokes puis refaire la même affaire. Pis, des fois, ça arrivait aussi qu'un épisode raté était backé la semaine d'après. Toi, tu pouvais pas, moi, je pouvais pas. Exact. Ça faisait des gros gaps, tu sais. On veut être le plus régulier possible. Ben oui, on veut être à toutes les semaines. Shit, là, les événements sont contre nous. Mais vous autres, vous êtes là, puis vous nous dites tous genre, j'ai vraiment hâte, ça me prend ma dose de rétro nouveau. Ouais. Nous autres, on est super contents de les voir. On est vraiment flattés. Puis écoute, là, on c'est voit qu'il y a des gens qui nous suivent, puis que c'est pas grave. Hey, c'est pas grave. Ils sont là pareil, même si on n'est pas là pendant deux semaines. Alors, à tous ces gens-là, merci énormément. Ah oui, merci énorme. C'est grâce à vous qu'on a encore le coup de continuer malgré tous ces problèmes-là. Parce qu'il y aurait du monde qui aurait dit « Ah, fuck that, j'étais curé. » Ça prend du temps à faire, faire un podcast. Ça prend beaucoup de temps de faire rétro nouveau. Puis on fait des vidéos, puis on a un autre gars, JF, qui nous filme. T'sais, tout ça, c'est beaucoup de travail. Là. Oui. Donc, malgré toutes ces intempéries-là, merci. Puis, mais oui. On continue plus fort. Oui, exactement. Puis là, moi, je voulais, dans le fond, là, je vais tout de suite tomber là-dessus. Là. C'est notre 25e épisode. C'est une célébration quand même. On est rendu à 25, c'est pas rien. Mm-hmm. Puis moi, je voulais savoir, c'est quoi, admettons, c'est quoi ton meilleur moment de rétro nouveau? C'est quoi la shot? Qui t'a fait le plus triper dans nos épisodes? Ah, c'est dur à dire. Mais parce que rapidement de même... C'est sûr que la naissance, le 7e épisode, quand ta blonde a appelé, elle a perdu ses os live. C'était quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est mon meilleur moment parce que c'était quelque chose d'intense pour moi. Puis, c'est juste que ce podcast-là... on s'est tellement démené pour le faire. On dirait qu'il y avait tellement plein de choses contre nous autres dans un sens pour le faire, puis on l'a fait quand même. Puis là, quand c'était le temps, tu sais, bang! Ouais. on s'est fait bloquer. Non, c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais moi, je me souviens pas d'un événement précis à part celui-là, mais il y a eu plein d'événements, tu sais, depuis qu'on existe. Puis, Il y a des belles choses qui nous sont arrivées depuis que Retro Nouveau existe, des belles rencontres, puis... Les fans qui nous suivent, juste tout le suivi qu'il y a par rapport à ça, c'est vraiment le fun. Là. Ben moi, là, il y a un an, je suis emménagé ici en avril, ça fait un an que j'habite ici, dans mon autre appart. Quand j'ai commencé Papa Cassette, dans le fond, là, en janvier l'année dernière, pas janvier qui vient de passer, l'autre d'avant, moi... Faisais partie d'aucune communauté, je connaissais personne. Non, c'est ça. Puis je connaissais fuck all, là. Puis tu sais, toi même, je te connaissais déjà, mais moi, je te connais à cause d'un ami commun qu'on a, tu sais. Moi, je savais pas que tu passais à la TV, je savais pas que, tu sais, Monsieur Nat, je savais qu'il existait, mais je l'ai jamais écouté parce que je sais pas, ça fit pas dans mes cases horaires aussi parce que ça parle beaucoup de techno. Moi, ça m'intéresse moins. Fait que, tu sais, je savais pas que t'étais à la TV, là, partout. Oui, on a jasé de Castlevania à l'entraque, genre au show de Motorhead. Ben oui! Puis, là, je voyais qu'on était fait pour s'entendre. Ah oui. Fait que, c'est ça. Mais là, maintenant, tu sais, il y a comme une communauté, tu sais, jase avec du monde, puis tout ça. Puis, wow, en un an, là, c'est incroyable, la communication que j'ai avec des gens que je connaissais même pas il y a un an. Tu sais, moi, au point de vue personnel, là, ça, c'est vraiment gros, là, pour moi, là, parce que... ça a changé un peu ma vie, là, veux pas, là, sûr. Twitter, moi, j'avais pas de compte Twitter, là, à cette heure, j'en ai deux, tu sais, j'en avais trois à un moment donné, tu sais, Facebook, on répond, on fait ça, les podcasts, les invités, les ci, les ça, Joël qui vient de Alma, tu sais, on va en chambre d'hôtel, tu sais, je veux dire, c'est incroyable, là, puis tout le monde qui me questionne aussi, genre, qui me demande conseils pour du stock rétro, puis tout, puis j'achète des jeux pour jouer, pour en parler, tu sais, je suis vraiment content, là, ça, c'est vraiment quelque chose, là, pour moi, là. Non, puis aussi, notre relation à nous deux a vraiment changé, tu sais, je veux dire, on se voyait on pas est passé vraiment, là, des avant, gars t'sais. Qui se voyaient une fois de temps en temps, puis là, on est vraiment devenus des bons chums, une bonne chimie, puis c'est vraiment un projet trippant, puis tu sais, moi, c'est ça, Rétro Nouveau, au départ, je me souviens, quand on en a parlé la première fois, je me disais, bon, ben, tu sais, on va essayer, on va voir ce que ça va donner, tu sais, puis on sait pas trop exactement où on s'en va avec ça. Au début, tu sais, on voulait faire de la vidéo, on savait pas, on n'était pas sûr, on voulait faire un podcast, tu sais, on savait pas où ce que ça s'en allait, puis finalement, ça a pris un épisode, puis déjà, on était comme, Christian, on a quelque chose, il y a de quoi d'intéressant, on était vraiment dedans, tu sais. On était bien rodés, là. Hey, moi, j'étais nerveux un peu au premier épisode, c'était bizarre, tu sais, j'étais pas habitué de parler pour du monde. Au début, on avait vraiment des notes, puis c'était vraiment, là, c'était sérieux, notre affaire, puis c'est aussi, ça qui fallait a fait que ça vite, s'est amélioré. Parce que, ce qu'il y a de bizarre avec Rétro Nouveau, c'est que ça l'a changé d'emplacement quatre fois. Ouais. On a commencé dans ma cuisine, sur l'heure du midi, là, on avait une heure tapant, même pas pas 50 minutes parce que toi, tu travaillais sur l'heure du midi. Moi, je revenais ici. On enregistre, sac ton camp, bye bye. Après ça, tu as eu ton enfant. Là, on l'a fait chez vous. Moi, j'allais chez vous soir le mercredi. Souvent, c'est arrivé qu'on a enregistré des épisodes genre back-à-back aussi pour essayer de sauver du temps. Après ça, on l'a fait dans mon... J'ai déménagé de bureau. On l'a fait dans mon nouveau bureau. C'est vrai. Puis... Là, dernièrement, maintenant, on est revenu chez moi. On est revenu chez vous. Fait que, puis là, on a acheté des micros, on a fait de la vidéo, tu sais. On a tellement comme changé, évolué finalement. Ouais. On évolue, on trouve que c'est de l'évolution. On évolue. On évolue rapidement, on change des choses, tu sais. On fait le logo, on met la musique, on fait ci, on fait ça. Ouais. OK, on laisse tomber telle chronique, on embarque telle chronique. Tout ça... dans le but d'arriver à un produit vraiment optimal. Là, t'sais? Puis on est vraiment c'est parce qu'on veut arriver à un produit qui nous plaît. Ouais, c'est ça. Puis déjà, on est extrêmement critique de plein d'affaires. T'sais, les gens qui me connaissent savent à quel point je suis critique. Je suis vraiment... Je suis quelqu'un de la limite sadique, voire froid envers, envers les produits que j'aime. Mais t'sais, c'est ça, c'est important quand même d'y mettre beaucoup d'efforts. Puis après ça, d'avoir la satisfaction, tu fais comme... Fuck, c'était bon ce qu'on a fait. Ça marchait, tu sais. Puis on veut juste s'améliorer, on veut juste que ça soit meilleur. Puis moi, c'est ça. Je veux juste remercier tout le monde qui est là encore. Ouais, puis, moi aussi. Tous les commentaires positifs qu'on reçoit, écoute, moi, je trouve ça génial. Là, tu sais, le monde sur Twitter, on dit bon, on arrive le 25e. Yes, yes, je suis vraiment content. Je vais voir, tu sais, les gens, ils veulent vraiment. Là, ils aiment vraiment beaucoup nous écouter. Tu sais, c'est drôle c'est parce qu'en même temps, on essaie de structurer notre affaire et tout. Tu sais, mais on jase, là. Mais moi, j'aime voir à quel point ça rejoint les gens, tu sais. Oui. Puis j'aime aussi qu'on ait une balance de rétro puis de nouveau, justement. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, j'aime voir que les gens s'intéressent au rétro, mais j'aime aussi voir que le côté rétro écœure pas les gens. Non, parce que c'est ça. Je pense qu'il y a du monde qui trippe plus jeux plus récents, mais ça les détend ou ça leur fait. Ils ont du plaisir à entendre parler. Mais ça de... a fait. C'est comme. C'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, toi, t'es. C'est ça qui est bon à savoir pour le monde, c'est que toi, t'es vraiment un. À mes yeux, t'es un spécialiste du rétro. Le rétro, c'est vraiment ta niche. C'est vraiment, Vraiment là-dedans que t'excelles le plus. Puis moi, c'est vraiment dans le nouveau, même si j'ai un background rétro que j'aime puis tout ça. Mais c'est pour ça, on se complète super bien. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui m'ont dit « Hey Bruno, moi, j'écoutais le podcast parce que je te suivais à Monsieur Net puis tout ça. » Puis en écoutant le podcast, ça m'a redonné la piqûre pour le rétro. Puis je me suis rappelé plein de souvenirs de quand j'étais jeune. Puis là, je me suis racheté des consoles. Puis fait que ce côté-là aussi, je le trouve le fun. Puis je me dis « Hey, c'est cool parce que moi, en faisant le show, ça me redonne le goût au rétro, à des jeux auxquels j'ai pas joué depuis longtemps. Ouais, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Puis ça donne le goût aussi aux gens qui sont chez eux de faire ça. Puis veux pas, ces gens-là, quand tu joues à du rétro, t'as pas le choix non plus d'avoir un œil ouvert sur ce qui se fait présentement. Ouais, c'est rare ça. Les gens qui font juste du rétro. T'sais. Ben moi, c'est ça qui m'arrive aussi. Puis je pense qu'il y a du monde qui nous écoute parce qu'on parle de rétro aussi, justement, qui ont accroché sur le show pour le rétro en premier. Oui. Ça, je pense qu'il y en a plusieurs. Puis des gens qui me suivaient de Papa Cassette. Puis, ces gens-là, tout comme moi, apparemment, peuvent apprendre des choses sur les jeux nouveaux. Parce que moi, là, moi, je connaissais fuck all. Là. Même encore, là, je connais pas grand-chose. Ouais, des fois, je connais les gros noms, tu sais, tout ça, tu sais. Mais moi, je joue à rien, là, de ces affaires-là. Ouais. Ou bien en retard, tu sais. Moi, je commence Assassin's Creed présentement, 2, tu sais. Je suis pas pressé, là. Mais tu me fais. Mais je trouve ça le fun. Tu c'est me fais comme découvrir si on parlait ben deux des langues, affaires. T'sais. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça trippant parce que. On s'apporte des choses, tu sais. Ça. En faisant le show, on découvre des affaires ensemble. On n'est pas comme, mettons, si on était à un show ou à un podcast, puis que, tu sais, on va se parler, je sais pas, moi, de Skyrim pendant 1 heure, puis tous les deux, on a joué à ça, puis après ça, on va se parler d'un autre jeu, puis on y a joué tous les deux. J'aime le fait qu'on n'ait pas nécessairement joué aux mêmes choses, puis des fois, tu vas parler d'un jeu qui va me donner le goût de jouer, puis je vais faire ça. La même chose. Fait que, il y a bien des jeux que tu m'as donné le goût d'acheter hein? là, cette année, là, tu sais, depuis qu'on roule, là, tu sais, puis des jeux le fun, mais mettons, je pense, je sais pas pourquoi, El Shaddai me revient dans la tête, tu sais, on dirait que personne n'a parlé à part toi, dans le fond, ça, je trouvais ça pas mal cool. Fait que tu m'orientes sur des jeux récents, tu sais, qui peuvent me faire triper, ça, j'aime bien ça. Oui. Fait que, moi, j'étais en train de remonter tout mon stock de ouais, rétro. C'est ça. À ce temps que t'as de la place, là, triple, tu vas pouvoir monter un beau petit coin rétro dans ton sol. Ah ouais, mais ça, j'ai hâte en tabarnouche. Fait qu'en tout cas, ben, bref, merci. Merci. Ça nous fait, c'est le 25e, puis on est vraiment content de ce qu'on a fait à venir jusqu'à la date. Oui. C'est pas toujours facile, mais on est là, puis on trippe. On est là, puis on reste. Puis un autre bon moment en passant, ça a vraiment été dans la chambre d'hôtel avec Joël. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment drôle. On espère refaire l'expérience avec Joël un moment donné, refaire un épisode avec. Ben, c'était en fait, vraiment drôle. Comme on en parle souvent, vous savez sûrement qu'on fait un petit party à Tremblant. Il restait deux places. On a essayé d'inviter Joël puis Dan de Fun Jouer Jeu à notre party de Tremblant, mais ça donnait pas. Les gars d'Alma, quand même, c'est pas. C'est sûr que c'est pas évident. Autres, là, ça fait que c'était compliqué. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, les gars de Fun Jouer Jeu, écoute, ça a été une belle découverte aussi cette année. Je les trouve super cool, ces gars-là. Vraiment gentils. J'aime leur podcast. Je parle avec Sébastien présentement qui tripe rétro aussi. Dan qui tripe rétro. Moi et Dan, on est des grands défendeurs de la 3DS. Donc, on s'entend là-dessus. Puis, pas rien que ça. Horror Gamer, c'est vraiment cool. Bières. Les gars, ils tripent sur la lutte, ils tripent sur les jeux. C'est tout du monde, ça. Vraiment fiable. Ben, des mystérieux étonnants. Tellement gentil. Tellement passionné, mais en même temps. Tu parles avec, tu sais, puis il va pas comme t'assommer, là, tu sais. Pas du tout. Plein de monde, là, vraiment cool. Oh, oui. Fait que ça, la communauté. Non, on a fait des belles rencontres, puis c'est une belle communauté qui est en train de s'enrichir sans arrêt. Puis j'aime les gens qui font des podcasts. Comme les podcasts que tu as nommés là sont, à mon avis, des podcasts qui tentent justement sans arrêt de s'améliorer. Puis qui, on sent, malgré toutes les niaiseries qu'il y a dans Fun Jouer Jeu, on sent quand même une certaine rigueur. T'sais, on sent que les gars veulent s'améliorer, veulent donner un meilleur produit. Ils viennent même de partir à un nouveau podcast avec Radicapoté. Radicapoté. Mais c'est le fun. Tu sens la passion. Tu sens que les gars, ils trippent là-dedans. Puis moi, c'est ça que je veux entendre. C'est pour ça que je fais un podcast aussi avec tous. Parce que j'ai le goût d'entendre ça. Fait que absolument. C'est le fun de voir du monde passionné. Il y en a tellement plein de passionnés aussi. Oh, oui. Max Tremblay, Dart Sim. Oh, oui, ben oui. Ces gars-là, ils connaissent leur stock. Là, ils sont vraiment calés. Là, fait que on dirait qu'on finit plus des nommés. Il faudrait qu'on se mette tous dans une salle avec un boot. Là, genre, là, un peu plus que ce que... On nomme, c'est ça. Il y a du monde qui passe en avant. Ça, puis là, t'as un spotlight. Eux. Ting! Dart Sim. Ah, c'est ça, hein? Tylex, absolument. Puis là, tu vois justement, tu sais, c'est qui ce gars-là? C'est quoi cette face-là? Parce que on voit tout le temps les mêmes icônes à côté des Twitter. Mais on là, voit pas des comme, faces toujours. Là. OK, lui, c'est le dude d'Assassin's Creed. Tu sais, tu n'y as jamais vu la face. Tu sais pas c'est qui. Tu sais, c'est comme dernièrement, je vais enchaîner justement avec Stella 2000 de Monsieur Net. Absolument. Puis merci à tous nos fans d'être venus. On est super contents de la façon que la soirée s'est déroulée. Plus toi, là, quand même. Moi, j'étais présent, mais je veux dire, le monde me cherchait pas tant que ça. Il ben, y a du monde qui m'ont reconnu, tu sais. Rien que pour la forme, j'avais mis une camisole, rien que pour être ça. Mais c'est ça, je me suis fait reconnaître, mais je veux dire, les gens étaient là pour toi. Moi, je dis, on dit, admettons, l'équipe de Monsieur Net. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Excuse, parce qu'on est à rétro nouveau ici. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. C'était pas cool, ça. Non, mais l'équipe de Monsieur Net, on était super contents de la soirée, de la façon que ça s'est déroulé. Même moi, quand je suis descendu la première fois, puis j'ai vu tout le monde qui était là, j'étais comme... Ah, il y avait du monde. Wow! Tu sais, il y avait énormément de monde, puis c'était drôle de voir tous ces visages-là qu'on croise sur les réseaux sociaux qui étaient là. Puis merci infiniment d'avoir été là. Vous avez aucune idée à quel point on travaille fort à Monsieur Net pour vous donner un show de qualité. Il y a eu beaucoup de monde qui était plus ou moins d'accord avec la nouvelle formule, qui était comme « Ah, j'aime pas ça que vous parliez de technologie, vous devriez parler plus de jeux vidéo, tout ça. » Sachez que c'est pas une décision qui nous revient seulement à nous, c'est une décision qui vient du public aussi. On nous demande de parler de beaucoup de choses, mais malgré tout ça, les gens nous suivent. Puis je pense que le monde le voit que on veut non seulement vous parler de ce que vous connaissez, mais on veut aussi vous faire découvrir des affaires. Moi, j'apprends plein de choses en regardant Monsieur Net, même quand ça parle pas de jeux vidéo. Puis j'adore où ce qu'on est rendu. Moi, je remercie encore tout le monde qui est sur l'équipe. Moi, ça fait 7 ans que je suis à Monsieur Net. Ben oui. Puis Denis m'a donné ma chance au début, puis à cause de ça, je suis vraiment... J'ai, j'ai, ça a changé ma vie, littéralement. Ouais, Monsieur Net, là, c'est venu changer ma vie. Puis j'étais un gamer qui était aussi passionné qu'une tonne d'entre vous, mais j'avais pas ma vitrine, tu sais. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement de podcast ni rien de ça. C'était très... ça fait quand même un bout de temps que ça existe, les podcasts, mais au début, je savais pas trop quoi, tu sais. Puis là, ça m'a donné ma vitrine. J'étais vraiment content d'être là. Puis on était content d'être là pour le 2000e. Puis je voulais souligner qu'il y a des fans, il y a beaucoup de fans qui ont voulu, tu sais, me parler, me jaser, me serrer la main, prendre des photos, tout ça. Je suis désolé si j'ai pas pu voir tout le monde. J'ai vraiment été tiré à gauche puis à droite. J'ai même pas été présent pratiquement dans le show. Il y a eu un après-show sur le web. Puis j'ai même pas fait d'entrevue à l'après-show sur le web parce qu'on me tirait de partout. J'étais à gauche, j'étais à droite. Ouais, c'est ça. Je parlais à plein de monde. Mais pour moi, c'était ça qui avait d'important. Pour moi, ce qui est d'important, c'est pas d'aller faire la vedette devant les Kodak. C'est vraiment... c'était de rencontrer tes fans. J'étais un tripeux de gamer, puis de gaming. Puis moi, je veux parler aux fans. Je veux triper avec vous autres. Fait que, tu sais... moi, je suis super content que tout le monde ait été là. Je m'excuse sincèrement à Animate Trunks qui est venu me parler et qui s'est fait sortir par la sécurité parce que la sécurité, à un certain point, a décidé que c'était fini. C'est quelque chose sur laquelle j'ai aucun contrôle. Fait que là, on était en pleine discussion puis il est venu le chercher. Hein? J'ai trouvé ça super plate. Fait qu'en tout cas, désolé, man. Je sais vraiment pas... c'est vraiment pas quelque chose qui vient de moi. Fait que désolé encore. Puis merci en tout cas encore une fois à tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment cool. Même si Joël était même pas là. c'est ça. C'est poche en tabarnouche. Mais moi, j'ai vu un gars qui écrit souvent sur notre page Facebook, Maxime Duguay. Oui. J'ai jasé avec lui un bon bout de temps. T'sais, il m'a appris qu'on lui a fait découvrir la série Castlevania. C'est pogné là un. C'est cool. Tout ça, il était vraiment. Il aimait vraiment ce qu'on fait. Donc merci Maxime. C'était bien cool de jaser avec toi. Puis moi, je tiens à m'excuser au gars qui avait une casquette de Luigi qui était à côté de moi puis de Maxime dans le fond pendant le show. J'étais supposé aller faire une game de Street Fighter avec lui. Là, j'ai vu Shelly, je voulais la remercier, tu sais, pour nos voix. Puis là, j'étais assoiffé, il faisait tellement chaud. Fait que avant la game, j'avais pogné une bière. Puis là, toi, t'étais là. Puis là, bing, bing, fallait que je parle à Jean-François Bourré pour y vendre Super Mario Land. Puis là, moi, j'étais là pour vendre des jeux. Fait que, tu sais, comme de fil en aiguille, comme ça, on s'est comme perdu. Puis on ne l'a jamais fait, notre game de Street Fighter. Alors, j'ai même pas ton nom, casquette de Luigi. Je suis désolé. On va s'en prendre une couple de fois, lui. Je me suis aimé. Je l'ai vu pendant la soirée à cause de la calotte. C'est ça. Je me souviens de lui à cause de la casquette. Mais non, c'était écœurant. Super belle soirée, vraiment. Puis on en a fait 2000. On souhaite en faire 3000 autres pour clencher Bobino, ce sale Bobino qui nous clenche. Mais non, c'est ça. Puis toute l'équipe travaille super fort puis tout le monde est vraiment content. Puis c'est pour ça Tristan a envoyé dernièrement un dernier billet sur musicplus.com, sur le blog de Monsieur Net. Puis il disait, pour en finir avec les remerciements, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, ça vaut vraiment de l'or pour nous autres, cette soirée-là. Ça représente finalement tous les efforts qu'on fait tout le temps. Nous autres, on est devant un Kodak dans une salle vide. Fait qu'on le sent pas, les gens qui sont là. Fait que de voir tout ce monde-là, là, c'est trippant, c'est vraiment le fun. Puis aussi, pendant cette soirée-là, c'est le fun quand même que moi, les gens sont venus me voir pour me parler de Monsieur Net. Mais tout le monde qui sont venus me voir m'ont parlé de Rétro Nouveau aussi. Ouais, t'sais. C'est cool. Hein? Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'étais comme, right, tu sais, c'est le fun. Puis le monde me demandait si ça revenait, tu sais, quand est-ce que ça revenait. Puis tout. Ah, fait que non, ça a. Il y a fait des fans de Rétro Nouveau dans la place, tu sais. Oui. Moi, j'ai jasé avec du monde aussi. Puis, j'étais vraiment content là, de voir ça. Là. Ah, c'est cool. Vraiment, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, grosse intro, mais c'est pas n'importe quel show quand même. C'est là. Ça. La 2000e puis le 25e de Rétro Nouveau, c'est gros. C'est gros. Donc, je viens de découvrir que la Coors Light au thé glacé goûte le parfum. Hey, tu vas-tu mettre ça, toi, là? Je vais avoir l'air d'un gars qui boit de la Coors Light. J'ai acheté ça pour l'essayer, mesdames et messieurs. Moi, j'essaie. Moi aussi, j'étais curieux. Là, je suis content, je l'ai essayé chez vous. J'achèterai jamais un six-pack. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Fait que c'est ça, on a quelque chose de bien spécial pour vous pour le 25e. On a, comme vous avez entendu en intro, j'ai interviewé pour vous les VJ de Musique Plus. Ouais. Puis on commence ça tout de suite avec une entrevue avec Nicolas Titley qui nous parle jeux vidéo puis d'un jeu rétro qu'il aime pas mal. Ça parce que là, tu je le mets, je le mets. Je le mets, c'était juste pour me rappeler à quel point j'avais aimé ça finalement. Bon. Fait que je suis avec Nicolas Titley. Fait que Nicolas, c'est quoi ton meilleur jeu de tous les temps? Là? Regardez des images, puis je pense que tu l'as déjà. Là. Ben, écoute, je suis remonté en 1982 parce que j'ai l'âge que j'ai, hein, j'ai 41 ans. Et moi, la console que j'ai eue le plus longtemps jeune, c'était un ColecoVision. Et à l'époque, c'était le NEC plus Ultra. Il y avait une petite guerre entre le Intellivision et le ColecoVision. Le Atari avait le côté, évidemment, pionnier, mais côté graphique, côté jeu, à mon avis, ColecoVision battait à plate couture tous les autres. Et aussi, j'aimais bien la télécommande, qui était un peu space, qui ressemblait à un vieux téléphone, mais qui avait un vrai joystick quand même au bout. Et le jeu auquel j'ai joué le plus, je suis en train de le regarder en ce moment sur YouTube, puis je suis... fasciné par la qualité des graphiques. En fait, pour 1982, c'est un jeu qui s'appelait Zaxxon. Oui. Et qui était présenté en genre de 3D isométrique. Là. En fait, c'était comme... Ça donnait une illusion de profondeur. On était loin des jeux complètement flat, comme Venture, par exemple, là, qui était vraiment fait avec des simples petites lignes. Là. C'était vraiment, vraiment très préhistorique. Et ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment high-tech. J'ai déjà joué... vraiment là, je jouais comme un fou. Je sais même pas s'il y avait un bouton pause à l'époque, mais je pense qu'il y en avait pas. Il y en avait pas de bouton pause, parce que je me rappelle. Moi, j'ai déjà joué vraiment littéralement avec une bouteille à côté, tu sais, dans laquelle je pourrais comme pisser, comme pour pas être obligé de m'arrêter. Et une fois, en fait, c'est ma mère qui a dû m'arrêter de jouer parce que j'ai battu mon grand record. J'ai réussi à faire 1 million à Zaxxon, et ça, c'est pour moi, c'était comme c'est un grand. Oui. C'était vraiment un grand accomplissement. D'ailleurs, je sais même pas si le compteur se rendait à 1 million ou s'il revenait à zéro à l'époque. Mais... ça, t'es un pionnier, je pense. Ben... Zaxxon, quand même. Mais ça a été dans les jeux. Sinon, j'ai joué dans les arcades aussi à cette époque-là. Je me souviens d'avoir beaucoup joué à Moon Patrol, à Q-Bert aussi. Q-Bert aussi qui donnait cette espèce d'effet de trois dimensions. Et après ça, j'ai laissé les jeux pendant un bon bout de temps. Ouais. Et puis là, dans les jeux récents, là, je dirais... C'est quoi ton meilleur jeu récent? Là, je dirais Uncharted 2. Okay. Uncharted 2 pour la qualité, évidemment, graphique, pour la jouabilité, mais aussi pour l'histoire, le scénario. En fait, on a souvent dit que Uncharted 2, c'était probablement meilleur que le dernier Indiana Jones. Si on avait simplement transposé ça à l'écran tel quel, avec les dialogues tels qu'ils sont écrits pour le jeu, je pense que ça aurait fait un excellent film d'aventure. Et d'ailleurs, j'ai été même déçu un peu par Uncharted 3, parce que les attentes créées par 2 étaient tellement, tellement élevées. Et puis, je trouve qu'Uncharted 3, qui est un bon jeu aussi, mais tu sais, c'est le genre de jeu qu'on finit en une séance de jeu, quelques heures, puis après ça, bon, on n'a pas vraiment envie d'y revenir. C'est dommage. Puis là, mais toi, justement, je regarde ça, je me dis, parce que tu te considères-tu comme un joueur hardcore ou occasionnel, casual? Je suis un joueur hardcore occasionnel. Okay. C'est-à-dire que quand je joue au point de l'obsession. Il faut absolument que je finisse le jeu, que je finisse les tableaux. Puis je suis ce qu'on appelle, je sais pas si c'est le bon terme en langage de gamer, un achievement whore. Oui, c'est totalement ça. Moi, j'ai comme besoin d'avoir tous les trophées. Quand j'ai joué à Arkham Asylum de Batman, et il a fallu que je ramasse tous les trophées, que je fasse toutes les épreuves. Tant que c'est pas 100%, t'es pas satisfait. Non, et c'est un peu frustrant. Je pense que ça m'est arrivé avec Assassin's Creed, d'ailleurs, où le 2... Il y en a un que j'ai jamais trouvé. Okay. Il y a un trésor que j'ai jamais trouvé. Puis même des fois, on va chercher des walkthroughs, des cheats sur Internet. Puis quand même, je sais pas pourquoi. Il y en a un que j'ai jamais réussi à trouver. Donc ça m'échappe encore. Je suis à 99%. Mais c'est-tu le temps qui te permet pas de jouer, ou c'est le fait qu'il y a juste pas assez de jeux qui t'intéressent, ou... C'est mon caractère compulsif, c'est que si je me retenais pas, je jouerais peut-être tout le temps. Okay. Et comme j'ai pas le loisir de travailler pour Monsieur Net, par exemple, je pourrais faire de ma vie un jeu vidéo. Malheureusement, c'est ça, je m'arrête. Puis en fait, c'est que je finis par me désintéresser. Aussi à un moment donné, je me dis, bon, après un bout de temps, j'ai assez joué, j'étais dans une rage de FPS, puis là, à un moment donné, je me dis, ok, j'en ai fait 3-4, Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis j'attends le prochain gros jeu. Là. Évidemment, là, on, okay. commence, on nous écœure déjà. Là, on est au mois d'avril. Puis on nous montre déjà les bandes-annonces du prochain Assassin's Creed qui sort au mois d'octobre. Oh, oui. Puis ça, tu vois, ça vient me chercher quand même. Ça, okay. Je me dis que ça, je vais sûrement... je serais pas sûr qu'ils vont faire la queue là, pour le jour du lancement, là, être sûr d'en avoir une copie. T'as hâte pareil. Je suis capable d'attendre un mois après la sortie, mais j'ai hâte. J'ai hâte quand même. Puis c'est quoi le jeu le plus récent auquel t'as joué? À quoi tu joues présentement? Ben, je me suis laissé happer par Skyrim. Oh. Et là, quand je dis happer, ça, c'est le genre de jeu... Je dis à tout le monde, surtout mes amis gars qui me disent « Est-ce que je devrais acheter ce jeu-là? Ouais. » La première question que je leur pose, c'est « Est-ce que tu as une blonde? » Et « Est-ce que ton couple est solide? » Parce que c'est très facile de délaisser absolument tout ce qui t'entoure pour jouer à ce jeu-là et devenir ton personnage. C'est un jeu qui est vraiment bien, bien fait. Et encore là, tu vois, moi, j'ai fini depuis longtemps la quête principale du jeu, la plupart des autres quêtes secondaires, mais je continue de revenir de temps à autre, puis simplement pour, je sais pas, aller tuer du monde pour le plaisir. Oh, oui. Parce que j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un jeu immersif. Et moi, j'aime que l'histoire qui est autour, elle soit pas nécessairement trop prenante, mais j'aime ça que l'histoire soit bien faite, qu'il y ait un monde qui soit cohérent, qui se tienne. Et puis, je pense que, bon, Elder Scrolls, c'est une franchise quand même qui dure depuis un bout de temps. Ça fait quand même un bon bout de temps. Puis, ils ont quand même réussi, je pense, à créer un univers. Tu as juste à regarder la Bible qui vient avec. J'ai acheté le livre, le Player's Handbook. Écoute, ça doit faire 800 pages. Il y a tellement de stock à découvrir là-dedans. Ouais. Là. Déjà, tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus geeks que moi qui ont appris le langage des dragons, comme il y a des Trekkies qui apprennent à parler le Klingon. Mais tu sais, de juste d'aller jusque-là et de penser justement à imaginer une langue, il y a tout un univers qui est vraiment des races particulières. Et ça va rejoindre les gens qui ont joué à Donjons et Dragons, ce qui était mon cas quand j'étais très très jeune. J'ai joué. Mais moi, j'ai joué Dungeons and Dragons, première édition. Je suis vraiment old school. Je suis vraiment old school. J'ai arrêté. Je pense que j'ai un peu joué à Advanced Dungeons and Dragons, mais j'ai lâché ça assez vite. Je suis vraiment très très très old school. Je m'en rends compte à chaque fois que je parle de ces choses-là. Mais oui, donc Skyrim. Skyrim. De réussite. Magnifique. Sinon, à quoi j'ai joué aussi récemment, Si j'imagine Skyrim, si tu joues à ça, ça fait un méchant bout, tu joues à ça. Ah oui, écoute, ça, j'ai passé... Je pense que je l'ai acheté pendant le temps des fêtes. OK. Et je pense que ma première séance, et ça, c'est ma blonde qui me l'a dit, parce que moi, je peux pas vraiment m'en rendre compte, là. Je pense que j'ai joué 10 heures en ligne. mangé, t'as-tu bu? Si peu, en fait. Et je pense que pendant toutes les vacances de Noël, j'ai dû gaspiller 3 journées entières pendant lesquelles je me suis pas lavé et puis je suis pas sorti de la maison. Là. C'est beau, fait que c'est dire à quel point j'étais pris. Bethesda, damn you, Bethesda! C'est ça, Bethesda, normalement, ouais, la compagnie? Bethesda. Je déteste. Mais en même temps, je suis quand même un peu admiratif. C'est un jeu qui est lourd aussi, par exemple, qui est... techniquement, moi, j'ai eu quelques problèmes. Il a fallu que je mette mon PS3 à jour un petit peu, là, parce que... Okay. Il survivait pas, vraiment. Pas. Ben, c'est parce que, tu sais, il faut comprendre que c'est... en fait, tout ce que tu joues, ça s'enregistre, puis ça s'additionne, puis finalement... Hey, allô? Je suis en train de donner une entrevue à Bruno Georget qui va être obligé de faire du montage. parce que mon téléphone sonnait. C'est quoi ton jeu vidéo préféré de tous les temps? Toi, tu sais, je jouais aux arcades quand tu étais jeune. Miss Pac-Man ou Pac-Man? Ah oui, Miss Pac-Man. Bon. Ma blonde est une vraie fille. Fait que je peux te rappeler dans 2 minutes? OK. Bye. Fait que de toute façon, j'imagine que t'as bien trop d'affaires, là. Ouais, non, mais c'est parfait. C'est super bon. Ben, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Fait que c'était... Fantastique. C'était moi. Fait que moi, je vais commencer tout de suite en faisant un survol rapide parce que j'en ai déjà parlé à Monsieur Net. Ouais. J'ai fait la critique de Fez qui est disponible sur XBLA pour 800 points. Hey, ce jeu-là, il me tente pas mal. Hein? C'est un Man, beau look rétro. Ça a l'air super trouve le fun. Que, sérieusement, là, juste pour Fez, ça vaudrait la peine d'avoir une 360. Ouais, il va sortir ailleurs. J'irai jusque-là. Non, c'est ça l'affaire. Non. C'est qu'il sortira pas sur une autre console pour l'instant parce que ça va prendre un bout de temps, en tout cas, parce que ça prend du temps développer un jeu pour une autre console. Puis Phil Fish a déjà dit, c'est le créateur du jeu, puis il a déjà dit que ça a été créé pour 360. On lui a souvent demandé s'il y avait un port sur une autre console. Puis il a dit, ben moi, je l'ai développé sur 360. Fait que ça va être quand même assez difficile de faire un port. Ouais. Je sais pas pour l'instant. T'sais. Ça fait tellement longtemps qu'il travaille là-dessus. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais là, il y a eu d'excellentes critiques, vraiment. Là. Ouais. Mais tu sais, si je me fie à d'autres jeux du genre qui sont apparus sur XBLA puis sur PSN plus tard, Limbo est arrivé à peu près un an et demi plus tard. Okay. Fait que peut-être que ça va être le cas pour Fez. On sait jamais. Vrai, peut-être que ça va arriver, mais dans un méchant bout. Okay. Ben, genre, quand tu vas avoir parlé de Fez, tu vas avoir l'air d'un has-been. Ouais, c'est ça. Dans le fond, quand je vais en parler, là, ça va être... c'est vrai ça qui va arriver. En complètement fait. Dépassé. Ouais, c'est pas grave. Moi, fait je t'en retourne. Fez, dans le fond, c'est t'incarnes Gomez, t'es un petit personnage blanc qui est dans un univers complètement 2D. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il reçoit un Fez. Un Fez, c'est un chapeau, un petit chapeau rouge. Ouais, ouais. Style. C'est maître d'hôtel. Pas maître d'hôtel, mais avez-vous vu le film Four Rooms? Four Rooms, ouais, avec Tim Roth. Ça ressemble un peu. C'est un genre de petit chapeau. Mais c'est comme je pense que c'est des Pakistanais qui portent ça. Ah, ouais, ouais, ouais, c'est ça. Fait que, bref, quand il reçoit ce chapeau-là, ça lui donne le pouvoir de pouvoir voir son monde en 3D. Fait qu'il peut changer le monde, il peut le faire tourner à 360 degrés. Mm-hmm. Tout ça, tout le jeu est fait en 2D, mais avec une idée que c'est un monde en 3D. Fait qu'en pesant sur les gâchettes, on peut tourner notre environnement. Donc, si on se promène sur une corniche, ben si on tourne l'environnement, on va s'apercevoir que sur l'autre côté, on peut avancer vers la droite. Ouais. Ça crée un genre de puzzle. On peut penser à Paper Mario, à Crush, à Echo Chrome, des jeux comme ça où tu changes la perspective puis ça change tout. Aya and the Cubes of Light. Ouais, ça change fuck all. Tu peux le faire, mais on s'en crisse. Moi, là-dessus, là, t'as dit une affaire, on parlait des meilleurs moments de Rétro Nouveau tantôt. Ouais. Quand t'as dit, là, c'est une salade de marde. Est-ce que je l'aime, cette mot-là? C'est ouais, tellement drôle. Fâché contre ça. C'est écœurant. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, ça, c'est pas une salade de marde. C'est vraiment bon, Fez. Puis tu peux changer la perspective de ça. Puis c'est un jeu qui est intelligent parce que c'est une mécanique tellement simple. Ouais. Mais cette mécanique-là évolue pas vraiment, c'est les tableaux qui évoluent, puis le look des tableaux, le feeling des tableaux. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a plein de secrets. C'est un jeu qui te pousse à explorer parce qu'il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Non. Les trous, genre. C'est vraiment un jeu de plateforme là, pur et simple. Tu sais, c'est de monter en niveau, puis... Mais il n'y a vraiment aucun ennemi, là. Non, personne t'attaque, t'as pas des chocs électriques. Tu touches-tu à des pics, des chocs électriques? Rien. Ah, mais c'est comme un puzzle, ennemi. Un peu. Genre. Oui, si on peut dire. Mais c'est vraiment un platformer, là. Okay. Tu sais, c'est vraiment comme un platformer. Puis, moi, une affaire que j'ai trouvé vraiment trippante là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi, mais le challenge est tellement bon que tu te sens dans un monde comme si dans un monde où il y avait des ennemis parce que ça devient quand même assez complexe, tu sais. Mm-hmm. Puis là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu ramasses des cubes. Ouais. Tu as comme plein de cubes à ramasser qui vont pouvoir te permettre d'ouvrir des portes pour te rendre plus loin, tu sais. Fait qu'il faut que tu ramasses tous ces cubes-là. Tu en as 32 à ramasser en tout, puis ils sont pas évidents à ramasser, ben franchement. Tu as des cubes, puis il y a des anti-cubes aussi. Okay. Ça, c'est des cubes qui sont beaucoup plus difficiles à ramasser. Fait que le jeu, même moi, le jeu, je l'ai pas terminé à 100%. J'avais fait la critique, j'avais presque fini, mais je l'ai pas fini combien complètement. Combien de temps que tu dedans, à peu près? 6 heures ou 7, je pense, là, jusqu'à la date, là, mais je l'ai pas fini encore, puis j'ai pratiquement aucun anticube. Là. J'en ai comme 2 ou 3. Mais à quoi ils servent, les anticubes? Les anticubes, ben, c'est la même affaire que des étoiles dans Mario, puis des étoiles noires dans Mario. Ok, tu veux toutes les ramasser. Tu veux toutes les ramasser, tu sais. Puis c'est le fun parce que c'est un... Il y a une carte dans ce jeu-là, tu peux avoir une carte qui te permet de savoir, bon... Dans celui-là, il y a 4 cubes qui t'attendent. Dans celui-là, tu as ramassé tous les cubes. La carte est quand même un peu floue. OK. Puis, moi, j'ai l'impression que la carte est un peu floue pour favoriser l'exploration, justement. OK, ouais, ouais. Au départ, quand j'ai fait ma critique, j'étais comme, la carte est poche. Mais après coup, je me suis dit, ben, tu sais, ça favorise l'exploration. Moi, j'ai donné un 9.5 sur 10 à Monsieur Net. C'est vraiment un foutu bon jeu. J'ai enlevé 0.5 à cause qu'il y a un bug vraiment gossant. Premièrement, le jeu, ça m'est arrivé qu'il gèle 2-3 fois. Okay. Heureusement, il y a des sauvegardes assez fréquemment, fait que j'ai pas perdu ma progression. Des sauvegardes automatiques? Des sauvegardes automatiques. Sauf qu'il y a un bug, c'est que une fois, quand il y a une sauvegarde, ça jamme un peu. Le jeu jamme un peu. Ça fait pas une sauvegarde puis tu continues à marcher. Il y a comme un petit délai puis ça rush. Okay. Fait que, admettons que tu es en train de sauter sur une plateforme puis que lui, il se met à sauver. Ben, ton bonhomme va tomber dans le trou. Ouais, on sait bien tu manques ta shot. Fait que c'est super poche. Ça m'est arrivé vraiment souvent, tu sais. Puis c'est vraiment frustrant. C'était fatigant. Puis le jeu, je l'ai. Puis, tu sais, je me disais comme, Caroline, tu sais, ce jeu-là, à part ça, il n'y en a pas de problème. Mm-hmm. Oui, la carte est floue, mais je n'y enlèverai pas des points voulu, pour ça parce peut-être. Que ça te pousse à explorer. Puis c'est ça, Fez. C'est de l'exploration. La trame sonore est hallucinante. Ah ouais, hein? Vraiment ça, de la belle musique. Je suis curieux d'entendre là. Ça. Tellement de la bonne musique dans un jeu indépendant. Oui, ouais, vraiment. Puis tu vois que les gens ils mettent vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Ah ouais. J'avais dit récemment à Retro Nouveau que Phil Fish avait fait des propos épouvantables ouais, sur ouais. les jeux japonais. Il disait que les jeux japonais, c'était de la merde. Ouais, il avait dit « Japanese game sucks ». Puis, je me disais, après avoir fait un aussi gros statement, puis je l'ai dit à M. Ness, je me dis... Faut vraiment que tu aies un jeu solide là, pour backer ça. Ouais. Puis le jeu est vraiment solide. Là. C'est mm-hmm. vraiment bon. Puis je me disais, tu sais, l'éditeur, c'est Polytron. Polytron, c'est aussi eux autres qui ont édité Warp. OK. Fait que. T'es pas si hot que ça, Warp, non? Non, c'est ça. C'est le développeur, excuse-moi, le développeur est Polytron. OK. Puis c'est ça. C'est eux autres qui avaient fait Warp. Puis Warp, c'était pas terrible. Ouais, là, c'est t'sais. Ça. Fait que. Regarde, c'est Fez, c'est un excellent jeu, c'est un incontournable. Moi, il va se retrouver dans mon top 10 de l'année, c'est sûr et certain. Puis je pense que c'est la même affaire pour une tonne de monde. Là. Tout ouais. le monde qui en a entendu parler ou qui ont joué, ils ont trippé ce jeu solide. Je connais personne qui n'a pas aimé ça. Là. Mm-hmm. Même les gens qui jouent même pas à des jeux rétro, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, foutu cool. bon jeu. Bon, ben moi, je vais vous parler d'un shooter, un shmup. Ouais. Celui que j'ai acheté, j'ai posté ça dans l'acquisition là, sur le blog. Ouais. Et puis avec d'autres choses. Avec Jackal en même temps. C'était yeah. ma surprise de ce bundle-là. J'avais aucune idée c'était quoi. Ça s'appelle Truxton. C'est un drôle nom de nom, tu sais. Puis la pochette est comme un peu laide aussi, ouais. tu sais. Mais je savais qu'il y avait anguille sous roche en regardant ce jeu-là parce que d'un, c'est un shooter pour Genesis. Okay. Puis les shooters de Genesis sont très prisés parce qu'ils sont très bons. Okay. Des très bonnes séries là-dedans. Puis je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Fait que, tu sais. Puis t'as coûté combien à peu près? Ben là, je l'ai payé des peanuts parce que okay. le gars, il connaissait fuck all, j'ai acheté 3$. Okay. Mais ça vaut à peu près 25$. Ah, jeu-là. C'est fait cool ça, un bon deal. Donc Truxton au Genesis, 25$. Je pense que ça vaudrait la peine de payer peut-être le 25$ si vous êtes un fan de shmup. Parce que c'est excellent. Bon. C'est vraiment le fun. Aïe. Puis, c'est un style vraiment. L'arcade, voyons, excuse, l'écran est vertical. Okay. Arcade fait que c'est un shmup à verticale. À la verticale, malade, comme Ikaruga, tu sais. Oui. Puis bon, fait que ton écran est vertical, puis à droite, t'as une bande noire, puis là-dedans, t'as tes vies, tes power-ups, okay. ton score, là, tu sais. T'as pas plus style arcade que ça. Oui. Ben aussi, c'est vu en plongée, là, celui-là. Oui. C'est pas de côté, c'est un vertical scroller, dans le fond. Fait que c'est hyper arcade, puis moi, ça m'a plu tout de suite, ça. J'aime ça, moi, les jeux d'arcade, oui. tu sais. Fait que Truxton, le vaisseau, il est pas très beau, tu sais, il est rond, là, c'est comme, on dirait une assiette un peu, avec un petit pic qui dépasse en avant, tu sais, ça, j'étais un peu déçu, mais on oublie ça vite, parce que, okay. bon, on te lance, là, dans l'action immédiatement, t'as, la musique, man, est complètement hallucinante, okay. tu sais comment est-ce qu'un Genesis, ça peut sonner, genre, oh, oui. mais là, c'est comme, puis là, au début, j'étais, ah, oh, qu'est-ce qui se passe ici, là, tu sais, mais finalement, ça m'a comme, angoissante. Ah ouais, mais comme, low-fi, agressant, on dirait, tu sais, en dessous d'une couverte, okay. on dirait, tu sais, mais agressante pareil, en tout cas, un drôle de mix, mais okay. ça marche, tu sais, j'ai fini, ça m'a rentré dans la tête, puis j'aime ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire qu'il faut que tu t'habitues. Puis, ça. C'est un peu répétitif. Moi, j'ai okay. joué à normal au début. Je me faisais blower. Fait que là, j'ai pas eu le choix de jouer à easy, là, pour pouvoir me rendre loin. Puis, t'as des cas à easy, t'as des continues. Tu recommences tout le temps où est-ce que tu meurs. Okay. Donc, voilà, ça fait très arcade encore une fois. Oh, oui. C'est comme si tu mettais ton 25 cents pour continuer, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est un. Ça pardonne pas, ce jeu-là. C'est mm-hmm. un bullet hell. Puis, il y a des balles partout, tu sais. Okay. Puis il y a des kamikazes aussi. C'est ça qui m'a tué là-dedans. Parce que quand tu joues, tu tasses un peu à gauche, tu tasses un peu à droite, l'écran, elle panne un peu des deux bords. Tu peux en couvrir un peu, mais pas trop. Ça va pas trop loin. C'est mélangeant, ça, des escarnes. Puis là, il t'envoie du monde de tous les côtés. Ton sprite est assez gros, ouais, mais les ennemis sont super gros aussi. C'est ça qui est un peu bizarre. Je suis pas habitué à ça. Fait que là, il faut que tu te tiennes dans le milieu de l'écran, parce que en arrière, tu sais, comme tu peux avancer, là, ça va bien, d'un coup, paf, t'es mort. Ah, il y a un gars qui m'a rentré dans le cul, tu sais. Faut que tu te souviennes qu'il y a des gars qui te rentrent dans le cul à cette place-là, dans ce stage-là, tu sais. Comme tout bon shmup, tu sais, c'est beaucoup de mémorisation aussi, là. Tu connais tes vagues d'ennemis puis tout Puis tu mémorises aussi les patterns des balles pour les boss puis tout. Là. Absolument. Fait que, mais moi, c'est une affaire que j'ai trouvé tough dans ce jeu-là, tu sais. C'est un peu cheap, là. Vraiment, il te garoche, paf, t'es mort, tu sais. Parce qu'il y a un d'autre qui est arrivé à droite alors que t'avais pas le choix, tu sais. Puis il hésite pas une seconde à te pogner en souricière en haut, là, tu sais. Mais tu peux toujours t'en sauver parce que dans tout bon shmup, il y a aussi une genre de grosse bombe, là, qui pète tout dans l'écran. Puis là, la bombe est vraiment cool parce que ça fait une grosse tête de mort qui fait tout l'écran et qui clignote, là, clac, clac, clac, clac, clac. Fait que tout pète, tu sais. Moi, au début, j'étais. J'économisais ces bombes-là, tu sais, comme « Ah, je vais pas les tu sais, je vais me les garder pour plus tard. » Mais non, hésite pas à t'en servir. Puis ils t'en redonnent souvent, c'est pas pour rien, parce que souvent, t'es comme « Shit, je suis vraiment mort. Grosse bombe, tu sais. » Faut vraiment que tu utilises tes bombes tout le temps pour t'en sortir. Fait que c'est cool. Un affaire que j'aimais moins, t'as juste trois sortes de power-up. T'as tes balles normales, t'as un genre de faisceau électrique à trois jets, quand même vraiment puissant. Puis des balles vertes qui servent vraiment à rien. Je comprends pas celui-là. Ouais. Donc finalement, t'en as juste deux qui valent la peine. Ça, c'est un petit peu plate. Ça te prend beaucoup de temps aussi avant de ramasser des power-up. Ça t'en prend, mettons, 5 P que tu ramasses. Pour que ton arme agrossisse d'une coche, tu sais. Okay. Puis comme tu meurs tellement souvent que t'as jamais le temps de te rendre, tu sais, à la coche en question. Fait que, tu sais, t'es pas souvent si puissant que ça. Souvent, t'es mort, puis tu te retrouves à recommencer juste tout nu, là, tu sais. Ça, c'est très difficile, là, finalement. Mais, puis les boss, les tableaux se ressemblent quand même un petit peu, là, d'un à l'autre. C'est pas mal souvent le même pattern. Les boss aussi se ressemblent un petit peu, tu sais, c'est... Mais écoute, overall, moi, je m'attendais à rien, puis j'ai comme, waouh, quel genre de jeu d'arcade, donc ben le fun avec une musique diabolique qui me rentre dans la tête, qui me rend fou, que je suis donc ben nerveux quand je joue à ça, je transpire en dessous des bras. Tu sais, quand je te jure, man, là, t'es... moi, j'étais un gars nerveux, ben, je suis pas nerveux, mais comme je fais des affaires vite, quand je travaille, je fais des affaires vite, j'ai comme multitask. Là, puis là, quand je joue à ça, man, je viens super nerveux, hein, là, c'est pas bon. Ta blonde arrive, viens, super, chale-moi pas! Je suis mort! Tristan, là! Joue à Tristan. Garde truc, Tristan! Fait que, non, c'est un jeu très intense, mais c'est un bon jeu, puis j'étais vraiment content de ma découverte. Et voilà. Puis ça m'a donné le goût de me lancer dans un shooter au Genesis. Là. Ouais. Je vais aller chercher les bons, là. Zero Wing, Thunder Force, Moucha. Je vais tout aller chercher ça. Il y en a des méchants bons sur Genesis, là. Il joue ça à deux, Tristan? Non, tout seul. Ok. Ouais, so lonely. Fait que moi, je vais vous parler, ça fait un petit bout que j'ai fait ça, puis là, je vais vous parler de deux petits jeux iOS bien rapidement, parce que les jeux iOS, il y en a des longs, il y en a des larges, mais moi, c'est deux petits. Pour commencer, je vais vous parler de BeatSnik Bandit, qui est un jeu de rythme. Ouais, c'est un jeu de rythme. C'est exclusif sur iPhone ou iPad. Puis ça coûte 2,99$. Il a commencé à 4,99$. Fait que c'est quand même bien. Puis c'est un jeu de rythme. Là-dedans, on joue le rôle d'un bandit, un petit voleur. Puis on se retrouve dans un... L'écran est divisé en quatre. Il y a comme quatre étages. Okay. Puis ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une musique avec un beat. Puis quand on tape dans l'écran, notre personnage avance. Fait que faut suivre le beat. Okay. Fait qu'admettons, là, tu sais, admettons que la toune, c'est comme. Tu sais, faut vraiment que tu suives le beat du drum quand tu vas faire tes mouvements. Si t'es en deux beats puis que tu tapes, ça marche pas, il avance pas. Okay. Il faut que t'aies ramassé des horloges dans chaque étape. Fait que si tu tapes pendant que le beat est pas là, ton horloge, elle pète. Fait que là, tu peux pas la ramasser. La façon que ça marche, c'est que tu avances, tu as des escaliers, tu as des gardes aussi qui vont se trouver là, tu as des alarmes. Faut que tu contournes ça aussi en tapant à ton écran. Attends, là, on se voit de côté là-dedans. Là. Oui, on se voit de côté. Mais pourquoi il y a quatre écrans? Ben, il y a quatre, à vrai dire, il y a quatre étages. c'est okay, vraiment okay, okay. C'est ça, c'est vraiment, il y a 4 étages, puis c'est vraiment là, ton écran là, il est divisé, tu sais, en 4 de ouais, même, ouais, je comprends. Là, puis faut que tu montes jusqu'en haut, c'est souvent ça le but. Okay. Puis là on se demande, tu sais, voyons donc, si tu tapes à l'écran, comment ton personnage fait pour changer de bord? Si tu tapes puis il se rend à un mur, quand il va arriver sur le mur, tu vas taper puis il va se revirer. Fait qu'il y a, pas beaucoup de contrôle dans ce jeu-là, mais il y a énormément de profondeur parce mm-hmm. que t'as un tap pour contrôler tout. Puis c'est un jeu qui est super beau, qui est vraiment bien fait, on devient accro assez rapidement. Puis c'est difficile. C'est, par exemple, ça c'est un bon challenge. Okay. Quelqu'un qui a pas de beat, impossible. Moi, c'est dans mes plus durs, là, dans les jeux de ah beat. Ouais? Là, okay. Mais franchement, c'est un peu comme Rhythm Heaven. Ouais. C'est vraiment tough. Puis ça, c'est quand même assez tough. C'est pas un jeu pour les enfants. Là. Vous allez avoir de la misère quand même. Mais c'est vraiment, c'est un super bon jeu. Ça joue très bien autant sur un iPhone que sur un iPad, que sur un iPod Touch. Okay. Fait que allez chercher ça. Puis ma deuxième suggestion, c'est Superman. Superman! Malade! J'étais passé tout droit de ce jeu-là. J'avais entendu que Shillingo... Ça se pourrait-tu que c'est même... parce que tous les jeux de Superman, c'est de la crise de marde ouais. depuis la nuit des temps? Ben là, mon gars, là, j'ai une belle nouvelle. Ah. Superman, c'est un jeu de Shillingo sur iOS à 99 cents. Puis c'est excellent. C'est super le fun. Shillingo, parce que ils font quoi, eux autres? Shillingo, c'est une compagnie comme qui font... Jésus. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'ils font plein de petits jeux. Des bons petits jeux. Des bons petits jeux. C'est plate parce que là, je n'ai pas en tête, mais ils font des bons petits jeux, Shillingo. OK. Puis Superman, l'affaire qui arrive, c'est que ton personnage est quand même assez petit. Il vole par défaut. Puis toi, tu peux contrôler où il vole avec un pad virtuel qu'il y a à l'écran. Okay. Puis tu peux aussi le faire dasher dans les airs puis qu'il aille super vite. Puis tu peux le faire frapper. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on ne te limite pas dans ta vitesse de vol. On ne te limite pas dans le nombre de coups de poing que tu peux donner, dans le nombre de lasers que tu peux lancer avec tes yeux. Puis les contrôles sont simples, puis les contrôles s'adaptent à ce qui se passe à l'écran. Okay. Tu sais, t'as comme t'as ta ville à l'écran, t'as comme l'espèce de ville avec le Daily Bugle puis tout ça. C'est-tu ouais. le Daily Bugle? Non, ça, c'est, non, c'est le Daily Planet. Daily Planet? C'est-tu le Daily Planet? C'est quoi donc le maudit journal de Superman? Je m'en souviens plus. Parce que ça, c'est Superman. Je mélange Superman avec Spider-Man. Ouais. En tout cas, le journal. Il y a un journal dans Superman. Là. Les gars des Mystérieux Étonnants peut-être nous écoutent puis disent amateur. C'est sûr. Mais c'est ça. Bref, t'incarnes Superman, puis tu vas aller dans la ville. Bon, sur un building, tu vas enlever des feux avec ton souffle. Tu vas tuer des bad guys, tu vas sauter sur un char qui est en fuite, puis tu vas frapper sur le char pour l'arrêter. Okay. Tu vas arrêter des missiles, tu vas arrêter des débris qui tombent du ciel, tu vas arrêter des boss. Fait que se passe plein de choses dans cet environnement-là qui viennent en vague, puis tu contrôles ton personnage avec le bouton virtuel qu'il y a à l'écran. Puis ça se contrôle super bien parce que t'as pas besoin d'être précis. C'est tu voles là, puis écoute, mon gars, il fly n'importe où, puis ça va bien. Mm. Puis c'est toutes des petites missions dans le jeu. Moi, je suis rendu à la moitié du jeu, puis je trippe pas au bout. C'est parfait pour les petites runs, mais franchement, là, si vous attendez le boss, c'est vraiment fait pour des petites parties. C'est pas fait pour des longues parties, mais franchement, là. Mais c'est vraiment le fun. 99 cents, pas cher, puis c'est vraiment le meilleur jeu de Superman auquel j'ai joué. Là. D'après moi, il n'y en a pas de meilleur. Incroyable, tu sais, quand tu penses qu'ils ont développé des jeux de Superman pendant des mois et des mois, des grosses équipes. T'sais. Superman 64, désastre. Fait que là-dessus, on va y aller en musique. Nouveauté à Rétro Nouveau, on vous fait jouer des tunes. Bref, cette semaine, en musique, mon choix, c'est la tune Adventure qui est tirée du jeu Fez. Bon, ben moi, je vais enchaîner avec The Legend of Zelda de Minish Cap. Oui. C'est un jeu que j'ai... parce que je suis un ambassadeur de la 3DS. Donc, si c'est votre cas, c'est, vous l'avez aussi. Et puis, tu sais, moi, j'ai les jeux de Game Boy Advance qu'on m'a donné, j'en ai eu 10 d'une shot. Tu sais, j'ai même pas vraiment scratché la surface encore tant que ça. Oui. Je me suis dit, Zelda, tu sais, je vais me le garder quand je vais avoir un trou, je vais m'embarquer là-dedans, ça va être long. Puis, fait que je l'ai fait. Puis, j'ai eu bien du fun. Oui. Parce que... Ben, c'est un jeu de Game Boy Advance. Ouais. Si vous voulez la copie Game Boy Advance, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens de jouer à ça, à part d'être un ambassadeur ou d'acheter la copie originale. La copie originale, c'est dur à trouver, mais j'ai vu à peu près quoi, 25$, 30$. Ah, ben, c'est correct. Ben, en fait, c'est très correct. Ça a l'allure, correct. Mais en même temps, c'est, ça fait quand même. Ben, c'est un jeu Game Boy Advance, là, mais ça. Ça a de l'allure parce que c'est comme A Link to the Past 2, tant qu'à moi. Ça, c'est tellement semblable, là, tu sais. Mais attention, c'est un jeu fait par Capcom. Nintendo a donné des contrats à Capcom, genre de Zelda, celui-là, puis un autre, là, sur le GameCube, me semble. Là. Voyons, Colin, c'est pas eux autres qui ont développé... Wind Waker? Ben, en tout cas, faudrait que je regarde. Ouais. Mais je sais que Capcom a fait des Zelda, ça, c'en est un, puis je sais qu'il y en a un autre, au moins. Et voilà. Puis c'est très bien fait. Ils ont fait un excellent job. C'est comme je disais, à Link to the Past. Moi, c'est mon meilleur Zelda, ça. Ouais. Puis, tu te vois en plongée, là, la même chose. Puis, bon, en gros, t'as des... par où commencer dans toute cette espèce d'histoire-là? Il y a tellement de stock à dire là-dessus. Les Minish, c'est des petits êtres minuscules qui vivent un peu partout, puis tu t'en rends pas compte. Puis, le peuple de Hyrule a... eu des méchants à combattre un moment donné, puis les Minish ont comme apporté une épée au peuple, puis grâce à cette épée-là, ils ont buté le méchant est parti. Bon, voilà. Okay. Puis là, il y a un méchant maintenant, aujourd'hui, dans Hyrule, il y a un méchant qui s'appelle une méchante. Je sais même pas si c'est un gars ou c'est une fille. Il s'appelle Vati. Puis elle ou lui fout la merde, transforme Zelda en roche. Okay. Puis là, puis elle pète l'épée des Minish. T'sais. Tabarnouche. Fait que là, ta seule arme que t'avais pour buter Vati puis enlever le sortilège. Alors, toi, ce qu'il faut que tu fasses, on t'envoie, genre, rencontrer le Elder des Minish, là, tu sais. Puis lui, il t'explique, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour restaurer l'épée, pour enlever la malédiction. Okay. Fait qu'il faut que tu trouves des éléments pour reforger l'épée, là, finalement. Okay. Fait que chaque élément est un donjon, il y en a 4. Puis, toi-même, tu deviens... t'as un Minish Cap. C'est un genre de chapeau qui a l'air d'un canard qui te colle. Ouais, c'est ça. Il parle, ce chapeau-là. Ça. En tout cas, il y a une histoire en arrière de c'est ça. C'est ton sidekick. C'est ton sidekick, là, disons. Fait que c'est lui qui te fait rapetisser, tu sais. Puis que, mais tu peux pas rapetisser n'importe où, n'importe quand. T'sais, c'est précis. Puis avec ça, il joue des éléments de puzzle, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. Donc, tu rapetisses, puis... mais tu sais, à travers le village, tu marches, mettons, en format normal, puis tu vois qu'il y a des petits trous par-ci, par-là, une petite échelle étrange, tu sais. Tu le sais qu'il y a de quoi à faire quand tu rapetisses, mais tu sais pas où est-ce que tu pourrais bien rapetisser, tu sais, parce que tu cherches la place. Fait qu'il joue beaucoup avec ça. Moi, j'ai pas fini le jeu encore, là. Okay. Mais écoute, c'est bourré de stock, vraiment le fun. Puis c'est un gros. C'est une grosse quête, là. Comme à l'époque de passe. Mais tu ramasses encore les classiques, là. Boomerang, un arc, une lanterne. T'en as des nouveaux aussi, des genres de gros. Des grosses claws, des grosses griffes de mole. Oh, t'as un mole en français, donc une loutre, pas mole, un siffleux, là. Ouais, c'est ça, une siffleux. Creuse en une taupe. Une taupe, c'est ça. Ouais. Puis avec ça, tu creuses. T'as pas une pelle, t'as ça à la place, t'sais. Fait que ça, c'est cool. T'as une genre de cape aussi d'oiseau, là, qui te fait comme jumper. Mais j'étais pas habitué que Link, tu puisses le faire sauter en pesant sur un bouton. Ben là, tu peux, tu sais. Ouais, mais ça fait tellement longtemps que j'ai joué à ça. Je cap. Mais là, j'ai une information en passant pour chercher pour savoir Capcom, qu'est-ce qu'ils avaient sorti. Ils ont fait aussi Phantom Hourglass puis Spirit Tracks. Ah, c'est eux, ça? Fait que c'est ça, c'est ça eux autres qu'ils ont sûrement fait Wind Waker aussi, parce que c'est la même chose. Ben, ils ont fait les... À vrai dire, ils ont fait les jeux de DS. Ils ont pas fait... ils ont pas fait les jeux sur console, finalement. Ouais. Ils ont fait les jeux Oracle sur le Game Boy Color, Oracle of Seasons puis Oracle of Age. Ouais. Ils ont aussi fait sur Game Boy Advance A Link to the Past, Four Swords. Puis ils ont fait The Minish Cap, ils ont fait Phantom Hourglass Spirit Tracks, puis that's it. Jusqu'à la date, c'est ce qu'ils ont fait, Capcom. Mais quand même, c'est le fun de savoir que Capcom a une histoire avec, avec Zelda. Avec Zelda, tout le monde pense tout le temps, bah, c'est Nintendo qui a développé par défaut ces Zelda. Mm. Puis c'est ça. Sinon, dans les autres items, il y a encore l'Ocarina qui est là. Là, ce qu'il y a de drôle, c'est quand on joue, ça joue la toune de la flûte dans Super Mario Bros. 3. Puis là, ça te transporte ailleurs. C'est vraiment cool. Puis ils ont ramené des choses aussi. Le cimetière dans Zelda 1. Ouais. Avec les petits fantômes à un œil, là, ben les petits fantômes sont de retour, tu sais, puis genre, genre ils te collent d'en face, puis ils te lichent, là, c'est vraiment une plaie, là, c'est terrible. Puis c'est ça, ils ont ramené plein d'éléments comme ça. Non, mais moi, j'aimais le look du jeu, moi je me souviens. L'animation est très belle. Oui, c'est vraiment quand beau. Ton chapeau, mettons, tu dors, là, tu dans un lit pour refaire ta life, le chapeau il dort à côté de toi, tu sais, quand tu le mets ou quand il te saute sa tête, tu sais, l'animation est belle, là. Il y a beaucoup de mouvements juste dans ces petites choses-là, tu sais. Mais ça reprend les principes de la ligne tout de passe, puis il en rajoute avec ça. Là. Donc, écoute, c'est cool. C'est super le fun. C'est un nouveau Zelda que j'ai découvert. Nice. Puis c'est dans le format que j'aime de Zelda. Oui. Alors, chapeau. Je veux dire, cap. Ouais, cap. Moi, je vais continuer en vous parlant de The Walking Dead. Puis on pourrait dire que c'est de la viande très fraîche. Oui. Parce que c'est sorti, on est mercredi présentement pour enregistrer Rétro Nouveau. C'est sorti hier, mardi. C'est sorti hier sur le PlayStation Network au coût de 5$. The Walking Dead, c'est un jeu de Telltale Games. Puis c'est un jeu épisodique. Donc, il va avoir 5 épisodes de Walking Dead. À 5$ chacun. C'est un peu Telltale Games, si vous n'êtes pas capable de les situer, c'est eux autres qui ont fait Jurassic Park, c'est eux autres qui ont fait Back to the Future aussi. Jurassic Park Old Genesis? Non! Oh. Hey, crime non, parce que sinon je l'achèterais tout de suite. Non, c'est ça, c'est eux autres, ils font des jeux, c'est point and click vraiment, pointé et cliqué. Sauf que là, moi, j'ai jamais aimé ce genre de jeu-là. Ben franchement, de Telltale Games, c'est pas mon genre. Tu sais, Back to the Future, j'avais downloadé sur le PlayStation Network parce que je suis abonné au PlayStation Plus, puis c'était gratuit. Ouais, ouais. J'ai downloadé, là, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, faut vraiment là, que je demande à Einstein, le chien, de manger sa bouffe parce que je veux partir avec la DeLorean. Tu sais, non. Fuck non, tu sais, ça devenait des niaiseries, puis c'était pas important, puis l'histoire était moche, puis je savais un peu où ça s'en allait de toute façon, parce que j'avais vu le film. The Walking Dead, c'est différent, parce que The Walking Dead, premièrement, c'est une histoire qui a été écrite en parallèle de la série et du comic book, puis c'est inspiré par le comic book que j'ai lu, que j'ai adoré. J'adore la série aussi, vraiment. T'sais, fait que The Walking Dead, c'est vraiment un environnement super intéressant. Puis le jeu fait pas abstraction à ça. C'est vraiment un jeu cinématique hyper intense puis vraiment intéressant. Là. C'est vraiment le fun. Puis c'est comme, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment comme de jouer à un film. C'est comme si on écoutait un épisode de Walking Dead, mais on y prend part. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans le jeu, c'est que là, on donne le choix au début de jouer standard, c'est-à-dire avec des indices ou pas d'indices pantoute, rien dans ton écran. Fait que quand il y a des indices, il y a des petits ronds qui se trouvent dans l'écran à certains endroits, puis tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles voir. C'est pas ce qu'il faut que tu fasses à cet endroit-là, mais tu sais que c'est là qu'il y a un point d'intérêt. Okay. Fait que tu cherches un peu moins longtemps quand même pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Puis moi, c'est ça qui tue ces jeux-là des fois. C'est que des fois, je cherche tellement longtemps à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis je m'en sac. C'est comme dans Back to the Future, c'est, je parlais un peu tantôt de ça, c'est ça l'affaire, c'est que je m'en sacrais. Je me disais, c'est Marty McFly, il mourra pas, le sort du monde changera pas, puis l'histoire de Back to the Future changera pas. Ouais. J'ai pas vraiment d'intérêt, puis ça me tente pas d'aller flatter un chien ou d'aller déplacer une caisse de disques pour que Biff Tannen me voie pas sortir du garage. Ouais, c'est ça. J'ai pas le goût de faire ce genre d'affaires-là. Dans Walking Dead, tu t'en fais parce que c'est un jeu qui est basé, puis c'est une série qui est basée sur les humains, justement, sur les rapports humains, C'est des zombies, mais c'est basé sur les rapports humains au départ. Fait que, tu sais, il y a toute cette idée de survie-là avec les autres que, bon, qu'est-ce que je vais dire, lui? Est-ce que je vais froisser une personne en disant ça? Des fois, tu te fais attaquer par des zombies, puis il faut que tu décides qui tu vas sauver. Tu sais, t'es déchiré entre deux personnes, puis t'as découvert les personnages un peu. Tu te dis, ah, lui, je l'aime bien, tu sais, puis je vais sauver lui à la place. Okay. Mais ça a vraiment une répercussion sur le cours de l'histoire que tu vas jouer. Fait que là, moi, c'est ça. C'est arrivé que j'ai sauvé du monde, des zombies, mais j'ai sauvé un gars plus qu'une fille, puis je sais que j'y reverrai plus, puis genre, ça me fait chier maintenant que j'en parle. Je suis comme, fuck, c'est vrai, t'es cool, elle, tu sais, puis. Fait que c'est vraiment fait que le fun. Tu pourrais recommencer pour voir qu'est-ce que oui, ça fait. Oui, exact, donne je pourrais recommencer. C'est ça, exactement. Puis, se battre contre des zombies, c'est vraiment intense dans le jeu. Parce que c'est des trucs contextuels, tu sais, comme, mettons, tu pèses sur X comme un malade, puis après ça, tu pèses sur la bonne touche. Okay. Mais des fois aussi, c'est genre de mettre ton curseur comme il faut par-dessus, puis de peser sur la bonne touche. Okay. Parce que dans le jeu, la façon que la navigation est faite, c'est que t'as tes deux manches analogues. Puis, t'as une croix dessus. T'as une croix à l'écran qui se promène. Puis, cette croix-là, elle représente tes quatre boutons. OK. Puis, c'est ça. T'as genre regarder, prendre, offrir un objet ou prendre un objet, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, la navigation est super simple. Mais un de mes plus gros reproches du jeu, c'est que des fois, les icônes sont tellement petits que tu sais pas c'est quoi l'icône. Okay. À un moment donné, dans une partie de l'histoire, fallait que j'aille mettre une batterie dans un radio pour pouvoir l'allumer. Puis en même temps, j'avais des barres de chocolat que je pouvais donner aux survivants. OK. Là, t'as-tu mis le chocolat batterie, dans le radio? Ben non, c'est ça, mais la batterie ressemblait à la barre de chocolat. Okay. Fait que sans le savoir, genre, j'étais allé voir une personne qui était à côté de la radio. Puis j'y ai donné une barre de chocolat. Puis j'étais comme, fuck, je me sens mal parce que dans ce jeu-là, tu t'occupes d'une petite fille qui a perdu ses deux parents, tu sais. Puis elle, a besoin de chocolat, c'est toi, ça. Tu donnes ça à n'importe qui. Je me dis, tu sais, elle en a bien plus besoin, là. L'autre avec qui je viens de donner ça, elle a 40 ans, là. Elle est capable de vivre une couple d'heures sans manger, là, tu sais. Fait que, tu sais, ce qui est le fun, c'est ça, c'est que toutes tes décisions ont un impact sur le jeu. Ouais. Puis c'est le premier épisode de 5, puis j'ai bien hâte de voir. Parce que là, moi, je rejoue pas. Je me dis, c'est ça ma game, elle est sauvée. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver au prochain parce que j'ai décidé de sauver certaines personnes. J'ai fait des choix moraux. Ton personnage, on s'aperçoit qu'il y a un lourd passé. Il a fait quelque chose de pas cool dans sa vie. Okay. Puis les gens sont en train de s'en apercevoir. Fait que, tu sais, regarde, il y a même une fille qui s'est suicidée devant moi. Dans le jeu. Fait que c'est vraiment pas un jeu pour les enfants. Ouais, non. Puis c'est vraiment pas un jeu, genre, on voit le côté un peu cartoon, puis tout le monde se dit que c'est cartoon. Non, non, c'est vraiment intense, puis c'est vraiment adulte, puis c'est vraiment sérieux comme jeu. Fait que téléchargez ça là, maintenant, vraiment. Là. Il est sorti sur XBLA au moment où je vous en parle, puis il faut absolument vous jouer à ça, c'est débile. Ton jeu de la semaine. Dernier jeu pour le 25e. Il s'agit de Shatterhand. Oui. C'est un jeu de NES. C'est fait par Jaleco. Oui. Et puis, ça coûte. Il m'a coûté pas cher parce que moi, je connais mes affaires. Mais ça, si vous le voulez aujourd'hui, puis je vous le recommande, c'est à peu près 20$. Okay. Sur eBay, genre, quelque chose comme ça. Pas facile à trouver. Ouais. Moi, je l'ai pas vu souvent, là, même jamais, je pense, en le cherchant. Je pensais que j'étais tout seul à avoir joué à ça, ben franchement, non, parce que quand j'en parle au monde, le monde, c'est comme... Non, très Shatterhand. C'est comme Shatterhand. Shatterhand, c'est comme Power Blade. C'est comme Power Blade, c'est comme Shadow of the Ninja, c'est comme Vice Project Doom. Moi, ces quatre jeux-là, je les mets ensemble vraiment. Puis, mais j'étais vraiment content de rejouer à ça. Oui. Puis, je voulais dire quelque chose, tu me l'as fait oublier, man. Excuse-moi, ta main en métal? Non, ou la pochette de feu avec l'illustration. Ouais, c'est ridicule. Ça, la pochette, là, sur le dessus, là. Avec écoutez, la main vous allez peut-être avoir peur, là, c'est vraiment laid, là. Mais le gars, il a des espèces de lunettes, tu sais, ça. Cheap, là, ah, tu sais. Puis, bon, il donne un coup de poing dans le mot Shatterhand, tu sais. Puis, là, sa main, il y a un point de fer, là, tu sais. Il brise le Shatterhand. Il brise le Shatterhand, mais il est comme en t-shirt, là. Il est vraiment laid, mais dans le jeu. C'est un dude. Il est pas comme ça, là. Ouais, c'est un dude. Mais dans le jeu, il est comme un peu plus cyberpunk, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est bien. Puis, c'est ça, c'est un jeu développé par Jaleco, mais attention, c'est fait par Natsume, qui ont également fait Shadow of the Ninja. Oh. Ces deux jeux-là la musique, l'ambiance, c'est très, très, très, très, très similaire. Probablement moi, la même équipe. Probablement. C'est, écoute, c'est pareil. Oui. Puis, moi, j'aime cette ambiance-là qu'il y a dans les deux jeux de post-apocalypse industriel. Tu sais, comme la ville brûle, au loin, en arrière, il y a des cheminées qui font de la boucane, tu sais. Tout est hyper... Ça fait mal, hein? Il n'y a pas de nature nulle part, là. C'est comme industriel, purement industriel, tu sais. Puis là, toi, tu marches là-dedans, tout est noir, tu sais, tout est sale. Ça fait aussi penser un peu à Batman 1 au NES, côté musique et gameplay et ambiance. C'est vrai. Donc... t'es un dude, t'as juste tes points pour te défendre, donc tu donnes des coups de poing, puis tu peux pogner des power-up qui viennent sous forme de petits robots qui flottent au-dessus de toi. La façon, t'as des boîtes que tu pètes, puis là-dedans t'as des power-up, t'as des alpha puis des bêta, donc des petits rectangles, des petits carrés avec un A dessus ou un B, que tu peux puncher toi-même pour switcher en A ou en B, pour faire des combinaisons de BBA, ou bien BBB, ou bien ABA. Puis chacune de ces combinaisons-là te donne un petit robot différent au-dessus de ta tête. Fait que c'est à toi de décider, dans le fond, lesquels que tu préfères. Il y en a qui sont vraiment de la marde, là. Moi, j'aime bien ABA. Il lance une espèce de grenade, va super bien. OK. T'sais. Puis quand tu refais la même, si jamais tu meurs pas, tu réussis à repogner encore une fois les mêmes lettres en haut, là tu vas devenir toi-même, ils vont te donner un saut, puis tu vas être capable de basher pendant 20 secondes à peu près, là. Tu vas être invincible. Okay. Fait que ça c'est cool. Puis c'est ça dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça ce jeu-là, t'avances, t'as 5 stages, puis tu les choisis toi-même à la Mega Man, tu sais. Là, c'est super cool. Tu vois, t'es sur le bord de la falaise, là, il y a une espèce de musique trop hot, là. T'as ton coat dans le vent, là, tu sais. Puis là, tu choisis entre les 5. Là, il y en a un que tu vois, on dirait que c'est un peu de la forêt, mais c'est étrange. Il y en a un, on dirait un sous-marin. L'autre, la ville en feu, là, tu sais. Donc, c'est tout, là, ça fit l'ambiance, là, bien raide. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Tu peux aussi t'agripper dans une espèce... Quand il y a des clôtures, là, en grillage, là, tu sais, tu peux jumper puis t'accrocher dedans. Ah, oui. Fait que ça, c'est vraiment bien aussi. Puis, quoi d'autre? Les boss sont vraiment hot, mais... Ouais. Mais tu te battais avec tes poings, là. T'as pas ben de reach, mais tu t'habitues un peu quand même. C'est pas si pire que ça. Moi, c'est ça qui me faisait peur là-dedans, mais tu sais, très vite, tu te mets à comprendre les patterns des boss, là, justement. Vu que t'as pas de reach, ben ils sont faits pour que t'ailles les battre de proche. Là, fait que faut que tu te synchronises, dans le fond. Moi, quand j'étais jeune, j'avais joué à ça. J'avais peut-être réussi à passer 2 tableaux sur 5 à peu près. Moi, je me souviens, j'ai loué, puis j'ai vraiment trouvé ça dur. C'était très dur dans le temps. Mais là, j'ai joué, j'ai comme fini. OK. Ça a super bien été. À part un boss là, qui m'a vraiment donné du trouble dans le tableau du milieu, là, dans ton choix de 5. Là, une espèce de ninja, man, qui t'envoie des affaires. Oh, je l'ai fait, là... 10 fois, là, sans, pour vrai. Là, j'ai laissé mon NES allumé jour et nuit, sur pause, là, en attendant que je me réessaye, parce qu'au moins, t'as toujours des continus, fait que ça, c'est cool. Donc, tu fais ces 5 stages-là, puis après ça, t'as un dernier stage, un genre de missile nucléaire que tu grimpes, puis que tu vas te buter le boss de la fin, finalement. Puis, écoute, c'est vraiment le fun, ce jeu-là. C'est pas compliqué, la musique est bonne, ton bonhomme, il va bien. T'sais, les boss sont cool, tout est cool, c'est pas trop dur, c'est juste assez dur. Là, je l'ai fini, mais j'aurais le goût de jouer encore, parce que ça me dérangeait pas de mourir, parce que ok, je vais le refaire, parce que je suis vraiment dedans, la musique est bonne, pis ça se passe bien, t'sais. La fin, y avait-tu des continues? C'est ça, il y a toujours des continues. Puis la fin est belle. Okay. Comme il y a du stock un peu là. Je veux dire, c'est pas aussi bon que le Titanic là. Mais, mais déjà un jeu. Déjà un jeu NES qui t'offre de quoi fin là, genre au moins pas rien. Habituellement, c'est mettons une grosse image, puis après ça, genre les crédits. T'sais. Mais un jeu qui te montre une présentation juste pour sélectionner ton tableau. Ça, c'est ça cool. Ça démontre vraiment là, un avantage là, par rapport aux autres. T'sais. Vraiment. Ça me fait penser un peu à Ninja Gaiden, tu sais. Ninja Gaiden, la fameuse shot que tu le vois sur une espèce de pic puis qui regarde le château au loin, tu sais. C'est une petite affaire, mais c'est tellement écœurant, tu sais. Fait que c'est bon, les jeux. Mais c'est le fun de choisir tes tableaux aussi. Oui. C'est pas compliqué de faire ça, tu sais. Puis c'est comme. Non. Pourquoi est-ce que personne n'a jamais exploité ça dans le temps? Faites tout ça, là, puis ça va flasher. Ah oui. Mais non, ça a été vraiment une super belle expérience. Nice. J'ai retrippé au max. Même moi, j'adorais Shadow of the Ninja. Puis je trouve Shatterhand meilleur encore. Okay, peut-être parce qu'il est un petit peu plus accessible. Là, je sais pas. J'ai aimé ça, être capable de le passer. Ouais, c'est ça. J'étais encouragé. J'étais comme mort. Tu sais, comme mort, mais ça s'en vient un petit peu plus loin. T'sais. Donc, non, j'ai vraiment trippé. C'est malheureusement disponible nulle part. Ouais. Pas sur la Wii Virtual Console, non. Pas sur rien. Donc, ça vous prend la copie originale. C'est trouvable. Là. Il y en a quelques-unes sur eBay, par-ci par-là. T'sais. Mais moi, je vous le recommande fortement. C'est ça, pas loin. Je pense qu'il va être dans mon top. Moi, j'ai déjà une liste de mes tops. Ouais. Genre, mes pires, mes bons. T'sais. Là, il est dans mes bons pour l'instant. Là. Il pourrait faire le top 10. Là. Nice. Yeah. Great. Fait que. On continue ça avec une entrevue avec Tatiana Polevoy de Musique Plus, une VJ qu'on voit souvent, bref, qu'on voit à des clics à tous les jours. Mm-hmm. Bref, Tatiana va nous parler de ses jeux, puis elle va nous dire que finalement, elle joue pas. Je pense qu'elle est joueur occasionnel pas mal. Je suis avec Tatiana Polevoy de Musique Plus. Salut Tati. Salut. Puis je voulais savoir, toi, est-ce que tu te considères comme une joueuse occasionnelle ou plus hardcore? Je me considère comme une joueuse du dimanche parce que je joue à moyenne une fois par semaine, pas toujours le dimanche, mais je joue dans mes moments d'ennui les plus atroces. Okay. Fait que quand je sais que je dois attendre, je sais pas, le métro, puis ça arrive pas, ou quand je sais pas, pour rencontrer des amis, puis j'arrive à l'avance, là, je prends mon iPhone et je me mets à jouer à cet infâme jeu qui est Fruit Ninja. OK. Fait que Fruit Ninja, ça serait comme ton meilleur jeu présentement. Ah, c'est de loin, dans les trois jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, c'est de loin mon préféré. Ça me donne envie de manger des fruits. Je trouve que c'est sain. Il y a même David Hasselhoff, son personnage dans Californication, il joue à ça lui aussi parce qu'à un moment donné, dans une scène, il est sur son téléphone intelligent et il dit « Take that, watermelon! » Oui, le watermelon est tellement le fun à couper en plus. Je suis pas vraiment bonne. Je me suis rendue une fois à 300 points, mais ça a l'air que c'est pas un gros score. Ouais, non, tu peux te rendre plus loin que ça. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, le spécialiste du Fruit Ninja. Pas tant que ça, mais j'ai joué pas mal, puis c'est ça, c'est sûr que tu peux te rendre plus loin, mais à un moment donné, c'est Fruit Ninja en même temps, là, tu sais, la plupart du temps, le monde font ça pour le métro, ou des trucs comme ça, fait que... Il y a du monde qui joue sur Kinect aussi, qui vont jouer avec leur corps à la place. Ah oui, c'est vrai, avec Tristan, il avait fait... C'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, il avait fait un genre d'essai, là, dans un studio en bas avec une grosse télé, j'avais complètement trippé, puis... les fruits, là, ça m'attire plus que tuer du monde. Couper des fruits. C'est cool. Puis c'est quoi le premier jeu auquel tu as joué dans ta vie, là? Mon grand-père avait gagné un Sega Genesis dans un concours, puis il nous l'avait donné. Mais chez nous, on était deux filles, fait qu'on jouait pas vraiment aux jeux vidéo, puis nos amis non plus. Puis il y avait un jeu de Tetris, mais c'était des diamants. Ouais, c'est Bejeweled. Exactement, c'est ça. Puis j'ai joué à ça longtemps, mais j'ai toujours eu un jeu chez nous. Je sais pas, jouais de temps en temps, mais ça a pas vraiment accroché plus que ça. Mais j'aimerais ça être bonne. Là. Je regarde les gens, là, même des fois, on a des soirées, puis j'ai des amis qui ont des vieux Nintendo avec des Mario Bros. Puis ils ressortissent, ils sont super bons, mais je suis pourrie. Là. Des fois, j'essaye de jouer aux voitures. Là. La voiture, elle prend le champ trois quarts du temps. Je sais pas, on dirait que j'ai pas... Mais j'ai des petits... Je me suis toujours dit que c'est à cause de mes pouces. Comment ça? Check mes pouces, sont vraiment bizarres. Check mes pouces, j'ai pas des gros pouces. Ah, OK. Les miens sont gros, c'est ça. C'est comme... Ils sont comme écrasés, fait que je me dis... J'ai pas la maniabilité que les autres ont. J'ai un handicap manuel. Peut-être que c'est pas un handicap, peut-être que c'est encore mieux. Ouais, à date, non. À date, non. Faudrait peut-être qu'ils jouent des nouvelles techniques, là, mais... Ouais. À date, non, c'est mieux de... Pour ça, Fruit Ninja, c'est avec l'index, fait que... C'est ça, mon index, c'est tout à fait normal. Bon. C'est quoi, le dernier jeu auquel t'as joué, c'est vraiment Fruit Ninja? Sinon, à part de ça, tu joues à quoi sur ton iPhone? Sur mon iPhone, jouer à un jeu, c'est malade. Je sais pas si t'as déjà essayé ça. C'est une application qui vient avec tous les iPhones, ça s'appelle Message Text. Tu peux texter tes amis... Ta famille, des gens que tu connais pas. Fait que souvent, je joue au message texte. J'étais assez bonne, hein? Je te dirais que là, les lettres, là, A, B, C, tout ça. Je suis casette, je fais des chiffres. Ça m'arrive de voir des traits d'union. Quand je me sens lousse. Mais tu sais, c'est le jeu préféré de ma fille, tu sais. Elle a 3 ans. À texte, déjà? Ouais, à texte. Mais à texte, elle texte pas ses amis, évidemment, là. Mais tu sais, elle a fait des textos, là. C'est ça qui a fait triper, finalement. Ben, prépare-toi à 13 ans. Fait que je donne le traitement de texte sur iPhone, puis that's it. C'est pas compliqué. Non. Mais écoute, ça peut être considéré comme un jeu. Ben, que, vraiment. Regarde. C'est ludique. Eh oui, c'est ludique. Fait qu'en tout cas, ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé des jeux. Merci à toi. Merci. Rétronouveau.ca. Moi, je voulais vous parler d'un jeu. J'ai mis ça. J'ai mis la. C'était pas vraiment une bande-annonce. C'était plus comme une vidéo avec le développeur du jeu. C'est Pixel Junk 4AM. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau volet? Ben, c'est ça. Pixel Junk, d'habitude, c'est tout le temps des espèces de petits jeux plateforme indie, ouais, des trucs comme ça. Les derniers qu'ils ont fait, c'était. Il y avait eu Side Scroller, il y avait eu Shooter, il y en a eu un, c'était Monsters. Racers, Eden aussi. Puis c'est ça, 4AM, c'est un jeu qui joue avec la Move. Puis je dirais que c'est plus comme une interface de son que un jeu comme tel. C'est que tu vas pouvoir bouger ta Move à différents endroits dans les airs, puis ça va faire des beats puis des ambiances sonores. Okay. Fait que tu vas pouvoir littéralement jouer de la musique en bougeant ta Move dans certains endroits. Fait que... C'est vraiment, il n'y a pas plus à dire que ça. Vous irez regarder le vidéo. Mais moi, le concept m'a quand même intéressé parce que la Move jusqu'à maintenant, ça m'impressionne pas. J'en ai un peu rien à foutre. Fait que je me dis des trucs comme ça, un petit peu plus expérimental, un peu comme Kinect. Ouais. Tu sais, Kinect, les trucs expérimentaux, les gens qui l'ont hacké puis qui ont fait des trucs vraiment trippants avec, c'est ça qui est le fun. Mm-hmm. Tu sais, puis la Move, j'ai l'impression que c'est la même affaire. Tu sais, c'est de faire des logiciels à faire avec ça. T'sais, moi, j'ai toujours voulu, admettons, qu'il y ait un jeu de Move que c'est un jeu de drum, puis que tu utilises deux moves, puis tu joues du drum. Mon gars, dans les airs comme un malade, ça serait super le fun. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que 4AM, un jeu à surveiller pour la Move, moi, c'est certain, m'a dépoussiéré mes moves juste pour ça. C'est clair. Moi, je vais revenir sur la critique de la FC Twin. Oui. Un de nos auditeurs, Sébastien Richard, en a une, puis il a bien voulu m'envoyer, dans le fond, ce qu'il en pensait. Fait que moi, j'ai publié ça. Puis, j'en ai pas d'FC Twin. C'est la console que tu mets un jeu de NES et de Super NES dedans. Tu peux l'avoir aussi en version Sega, apparemment. Et puis, ben là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, la version Sega, c'est NES et Sega Genesis. Mais moi, il me semble que c'était NES puis Sega Genesis. Ouais, hein? OK. Ouais, ouais. Fait qu'il y en a fait une critique. Il y a aussi la... Comment ça s'appelle, non? La tri... j'ai écrit ça toute la semaine. Là, j'avais oublié. Version NES, Super NES et Sega Genesis, les trois ensemble. Ça a l'air d'être vraiment l'ultime. Mais c'est ça, la FC Twin, elle a fait juste les deux. Elle a bien des avantages, comme c'est pas cher. C'est genre 50$. Mm-hmm. Okay. Tu peux... C'est RCA, donc rouge, blanc, jaune. Tu branches ça sur ta TV et ça marche tout de suite. Même les nouvelles télé, ça, c'est pas un problème. Puis, tu peux brancher tes manettes de Super Nintendo dedans, si t'aimes jouer aux manettes de Super Nintendo. Puis, dans les avantages, ça ressemblait pas mal à ça. Mais les désavantages, c'est que c'est pas compatible avec tous les jeux, tu sais. Il y a bien des jeux, beaucoup de jeux qui fonctionnent pas là-dessus. Il y a beaucoup de jeux aussi qui vont avoir des bugs audio. Genre Dragon Warrior, la musique est complètement buggée, là. Ça scrappe ça. Ah, quand tu joues à Super Ghouls and Ghosts, genre le stage 3 est bourré de glitch. C'est comme un petit peu imprévisible à ce niveau-là. Il y a une liste sur Wikipédia, tu sais, des jeux qui marchent pas. Puis, mais il n'y a pas de liste des jeux qui glitch, par exemple. Ouais. Fait que, puis bon, la manette qu'il donne avec, qui ressemble à une manette de Super Nintendo, est un peu comme, tu sais... Une manette cheap, là. Tu sais, tu le sens quand tu joues avec une manette de piètre qualité. Ben oui. Ça, c'en est une. Fait que moi, personnellement, je trouve pas ça intéressant vraiment. Là, à moins que, tu sais, genre, t'as pas beaucoup de jeux, puis tu sais que les jeux que t'as, puis auxquels tu veux jouer, ils vont marcher dessus. Ça va. Puis la tu sais, ça répond tout de suite aussi. Je veux dire, ça se feed sur le top. Donc, t'auras pas d'écran qui vont clignoter ni rien. Les jeux vont marcher du premier coup. Là, fait que ça, c'est cool. Mais tant qu'à ça, achetez donc la version 3 à Nintendo, Super Nintendo et Genesis. Que tu peux mettre tes manettes de Genesis, de Super Nintendo et de NES dedans, toutes. Puis elle est capable de prendre plus de jeux et tout ça. Mais il y a quand même des jeux qui buggent. Donc, c'est une bonne alternative. C'est un émulateur de luxe, ces consoles-là. Moi, je préfère les originales, bien sûr, parce que je suis un maniaque. Mais écoutez, ça peut être un bon deal. Ouais, mais ça peut être une bonne alternative quand même. Avant d'acheter, surveillez. Allez voir sur Wikipédia si les jeux que vous voulez matchent, oui ou non. Parce que si jamais tu veux jouer à Battletoads, absolument, absolument, puis tu veux jouer, t'achètes ça, puis là tu rencontres ouais, que Battletoads ne fonctionne pas. Tu sais, t'es comme « fuck, ça donne rien ». C'est vraiment poche. Checkez ça. Donc la critique est sur notre blog, dans la section rétro. Great. Fait que on continue ça avec une entrevue avec Reg Laplanche, le fameux Reg de Musique Plus, qui va nous expliquer que c'est peut-être pas lui finalement qui joue à des jeux vidéo chez eux. On fait ça. All right, buddy. All right. Fait que je suis avec Reg. Reg, c'est quoi, c'est quoi ton meilleur jeu de tous les temps? Oh man, c'est tough. Okay, puis, c'est quand même tough. Ouais, quand puis d'entrée de jeu en plus, je ne suis pas le plus grand des gamers. Je l'étais pas un plus jeune. Fait que c'est drôle. Si tu me demandes ça à ce moment-là, si je considère que mon jeu préféré de tous les temps serait le jeu que j'ai le plus joué, ouais, ça serait la série des Games. Okay. Donc en quatre. Là, assez un long temps, sur mon Commodore 128, je jouais Summer Game, Winter Games. Okay. Il y avait un genre de X Games ou quelque chose, ou California Games, California Games avec la XAC, tout ça. Ça, je capotais de faire les. Dans le Winter Games, le bobsleigh, patinage de vitesse, patinage artistique. C'est juste complètement malade, mais tu sais, les Summer Games, même chose avec le pole vault, puis le triple saut, puis ces cool. jeux-là. Ça, jeune, jouais beaucoup. Sinon, plus récent. Plus récent, ça serait probablement le dernier jeu que j'ai joué, moi, personnellement, qui est Uncharted 2. C'est ça, c'est Uncharted 2. Ouais, Uncharted 2, c'est le dernier jeu qui m'a vraiment capté au point de suivre ça. Ah, je jouais avec ma blonde, qui est la gameuse de... C'est ça, dans votre couple, c'est vraiment elle qui joue. C'est elle qui joue. C'est elle qui joue. Tu sais, elle et Nicolas Titley, ben là, ça irait pas super bien ensemble. Parce que là, ils se battraient pour voir qui joue à Skyrim pendant ce temps-là. Elle est vraiment pognée sur Skyrim en ce moment. Vraiment. Okay. Dans le fond, ça a été mon cadeau à elle, à Noël. C'est ce qu'elle voulait, c'est Skyrim puis le livre qui vient avec. Fait que c'était ça le cadeau qu'elle a eu pour Noël. Puis depuis ce temps-là, ben, quand elle peut, elle joue, qui fait mon bonheur. Puis moi, je fais d'autres choses sur le laptop. Fait que c'est ça, fait que t'es un joueur occasionnel, si on pourrait dire. Ouais, occasionnel, ouais. De temps en temps. Ouais. Tu sais, les derniers, comme quand j'ai eu ma PS3, je l'ai pris vraiment pour les sports. Je trippais beaucoup de sports. Fait que les sports. Madden. C'est ça, ton meilleur jeu de sport, c'est quoi ça? Je dirais la série. Honnêtement, les Madden, là, ça vraiment, j'aimais bien jouer au foot. Je trouvais que c'était bien fait. Mm-hmm. J'aimais la réalité de la chose. Des fois, le hockey, c'est un peu trop facile. Des fois, mais le football, c'est vraiment bien stratégique. Puis tu joues autant tes séries tes séries défensives qu'offensives. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment tough de combiner les deux. Puis de choisir quel joueur. T'as tellement de panoplie. Tu peux jouer le corps arrière ou tu peux jouer le wide receiver ou à défense. Tu peux jouer un gars de ligne ou un défenseur. Il y a tellement de possibilités. Fait que je dirais probablement Madden. J'ai vraiment trippé aussi quand la série de UFC est sortie. Oui. Ça, c'était sûr que ça me prenait ça. Je sais pas, à un moment donné, je suis dedans pendant un petit bout, puis là, je m'étonne. Puis si je joue pas pendant un petit bout au sport, là je retouche juste plus. OK. C'est juste un peu ça. Faut que je sois embarqué pendant un petit bout, puis là, je vais le faire, puis sinon, je joue plus, tu sais. OK. Ouais. Caroline, c'est-tu question de temps ou c'est juste à cause que t'embarques pas pendant tout? Ben, question de temps, puis je pense que, tu sais, il y a tellement. Des fois, je sais juste pas ce que ça me tente de. Tu sais, ça me tente-tu pour les deux prochaines heures de checker. La game de balle qui est à TV ou la game de hockey ou de jouer au jeu, tu sais, c'est de mixer les affaires, c'est juste de varier dans toutes les choses. Puis, t'es-tu plus genre à jouer en chum ou jouer tout seul? Comme, mettons, que tu te fais une saison de football. T'es mieux de faire une saison tout seul parce que t'as pas besoin d'attendre, mais c'est sûr que j'aime ça, tu sais, coupe de bière, quelque chose, puis quelqu'un est là, puis tu te dis, hey, joues-tu une game de telle affaire, puis tu joues une game de telle affaire, ça c'est sûr. Mais tu sais, j'ai jamais joué, je suis pas, tu sais, quand on dit vraiment gamer occasionnel, tu sais, j'ai jamais joué à Angry Bird. OK. J'ai jamais touché ma blonde, là, fini Angry Bird, mais moi, j'ai jamais même touché Angry Bird, je sais même pas. Ouais. Ben, j'ai vu là, que tu lances des oiseaux dans des buildings. Ouais. Mais j'ai jamais essayé Angry Bird. Jamais. Tu sais, tu joues pas sur ton téléphone. Je joue à Word Mole. OK. C'est le seul jeu. J'ai ça. Puis Blockbusters ou je sais pas trop quoi, la genre de barre, puis ça te pogne, ouais, tortue ouais, des ouais, briques, ouais. Là, de Brickbusters ou je sais. Ben, Brickbusters. Ouais, oui. J'ai ça, puis ça venait avec le téléchargé. Je n'ai pas téléchargé okay. ça, puis WordMall. Okay. Tu trouves des mots, puis tu fais ça. Je fais ça quand je perds du temps, là, que je suis au garage ou quelque chose. Je sais pas. Donc, je suis vraiment gamer. Okay. Comme je dis, je suis là pour parler de. Le flip side, d'avoir une blonde gamer. Ah, oui. Moi, l'inverse ça, de beaucoup de gars, ben, peut-être c'est... des fois. Hein. Ben, c'est l'inverse complètement. Complètement. C'est une minorité. On a commencé Uncharted 3, j'ai topé pendant un petit bout, ça me tentait tellement plus, ça me tentait pas tant de jouer. Ah, oui. Fait que j'ai dit, ben là, tout continue jusqu'à la finilée. Okay. Fait que là, elle a fini son temps. On m'a pas attendu. On a fait ça avec quel autre? Un autre. C'est quoi? Ah, les Prince of Persia. Oh, Assassin's okay. Creed. Assassin's Creed. OK. Même chose. Assassin's Creed, j'aimais ça. J'aime les annonces. Oui. Surtout. Comme je vois l'annonce, puis là, ça me tend comme. Ah, là, je capote. Là, je suis comme Assassin's Creed, l'assassin est rendu en Amérique du Nord. Puis là, il y a la guerre civile, puis la guerre de sécession, c'est malade, tu sais. Ça va être écœurant, puis là, je joue un peu, puis là, dans Assassin's Creed, j'ai de la misère à monter sur un building. On dirait que j'écœurais tout le temps, gang de Monsieur Net, que le move, c'est. Tu sais, tu vas pour monter un building, tout le monde te court après avec des épées, puis là, tu fais le move de wow! Puis là, tu reviens comme traite dans eux autres. Fait que là, j'ai trop de pitons peut-être maintenant. Ah oh, oui. Tu sais, je suis à l'époque de le Intellivision, tu sais, dans le temps. Okay. Puis, c'était ta machine de choix, ça? Ben, c'est celle-là que j'avais, tu sais. Okay. C'est là que j'avais, puis peut-être mon cercle d'amis avait, fait qu'on pouvait se passer des jeux. Je pense que c'est un peu ça. Tu tombes dans. Tu sais, après ça, j'ai eu le Nintendo. Ça évolue, puis là, après ça, tu sais, PlayStation. Mais, ouais, je pense que c'est juste ça a donné de même, comme la même chose quand j'avais les Commodore. Moi, j'avais le 128. Il y avait une couple de chums qui avait 64, qui était juste pas grand-chose de différence. À part, je me souviens que le clavier était plus plat, pas rond. Mais tu sais, au moins, on pouvait se passer des jeux. Je pense que c'est bien important pour ça, surtout plus jeune. Tu louais pas des... Ou je me souviens... Mais non, je louais pas des jeux de télévision. Nintendo, télévision, non. Hein, non. C'est ça. T'es avais, puis tu t'assurais que ton chum achète un autre jeu que tu peux te dépasser là, après. Là, les, justement, Donjon Dragon, Tron, Snafu. Karate Champ, ça. Karate Champ. Une espèce de jeu de karaté. T'avais un bonhomme qui avançait. Puis tu m'as... Elle a sauvé sa femme, je sais pas trop. Le jeu durait à peu près comme 10 minutes. Ah, Mais tu sais, tout le monde avait à peu près les mêmes jeux. Ouais. Comme justement les games que tu disais tantôt, à peu près tout le monde avait ça. Je passais ça. Les jeux de sport étaient écœurants. À l'arcade, j'ai mis. J'avais bien arcade. Ouais. 25 cents à l'arcade. Double Dragon. OK. Grand fan de Double Dragon. Ouais. Grand fan après ça des Street Fighter, Tekken. Okay. Ça m'intéressait jamais les jeux de combat. Double Dragon, j'aimais ça. Deux personnes dessus, les deux frères, Double Dragon, tu y vas, tu kick haut, tu punch haut, tu swing, continuer, là, c'est bien linéaire, mais les gars sortent avec des battes de baseball, tu essaies de rendre le plus loin possible avant d'être obligé de remettre 25 cents. C'était cool, magique, les arcades. Ouais, moi, avec, je m'ennuie des arcades. Ouais, c'est vraiment moi, je trouve que c'était la meilleure ambiance de. Ouais. De jeu que tu peux avoir, là, tu sais, debout en avant de l'affaire, tu joues, puis tu avais le challenge de justement te rendre, soit une affaire de temps ou une affaire de vie, mais te rendre, tu voulais pas mettre le 25 cents une minute après, là, tu voulais t'offrir un petit bout quand même. Non, c'est malade, fait. Yeah. Cool, ben merci beaucoup. Pas trop, dude, fait plaisir. La discussion cette semaine, le fanboying. Oui. Les fanboys. Là, ça, c'était. C'est vrai, c'était un Mathieu sujet Lamarre qui de nous Mathieu a proposé Lamarre. Ça. Là, on tient à vous spécifier que cette discussion-là, moi et Bruno, on l'a déjà eu 4 fois. Parce que nos micros ont bugué souvent. Ouais. Pas 4 fois, mais beaucoup. Ah, c'est ça. Donc, on a perdu vos tweets, malheureusement, mais j'avais comme. Garder de côté et imprimer vos Facebook. Ça fait qu'on va les prendre, ceux-là. Ben oui. On va vous avez de quoi dire hein, là-dessus, des, quand ben même, oui, des textes volumineux. Fait qu'on va commencer par lire ça. Oui. Le premier, Mathieu Lamarre, qui nous dit « Quand j'étais plus jeune, j'étais un fanboy fini de Nintendo. Je me convainquais que PlayStation 1 était de la merde. Un moment donné, un de mes amis m'a prêté son PS1 avec Final Fantasy 7 et je suis tombé en amour avec la console. Si j'avais continué à être un fanboy entêté, j'aurais manqué une des meilleures consoles de tous les temps. Maintenant, je possède les 3 consoles de salon et je suis le gamer le plus heureux au monde. Ouais, » c'est la meilleure solution, mais franchement. La meilleure solution, ne pas hater. Oui. Essayez toutes. Comme ça, vous allez être heureux dans toutes. Exact. Jacques Germain nous dit « De mon côté, j'ai longtemps été un Nintendo fanboy un peu par défaut. C'est le cas de beaucoup de monde, ça, d'ailleurs, oui. Hein, parce que c'est Nintendo qui était bien longtemps. Oui. C'est la première console que j'ai eue. Tous mes chums avaient ça, alors que les autres gangs avaient toutes des Sega. Ha, ha, ha. Ce fut souvent de longues pauses à l'école à parler du pour et du contre de chaque console. J'ai ensuite eu un Super Nintendo quand je trippais sur les RPG. Ça peut influencer aussi oui. quand même ce que chaque console a à offrir comme c'est jeu. Vrai. On dirait que j'osais pas essayer d'autres consoles par peur d'aimer ça. Jusqu'au jour, je n'ai pas eu le choix car Final Fantasy VII est sorti sur la PlayStation. Encore. Blasphème, me disais-je. Maintenant, après mes nombreuses années d'expérience de gamers, je trouve bien drôle le fanboyisme. Le fanboyisme? Et ceux qui restent fermés d'esprit. Comme quoi, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Oui. Mmh. C'est vrai. Yeah. Peux-tu en lire un? Ben oui, certain. Tiens, on est rendu à Sébastien Bouchard. Bon, Sébastien Bouchard de Fun Jouer Jeu. Il dit « Wow, Jacques Germain a résumé à merveille ce que je pense. Moi, j'étais allé jusqu'à m'acheter la Nintendo 64 en pensant continuer la tradition des bons RPG. Des bons RPG. Ça s'est arrêté là. Ça ne fut tellement pas le cas. Non, c'est ça. Ça s'est arrêté là. Surtout quand j'ai vu la collection de RPG du PS1. Depuis, j'aime bien ce que PlayStation fait, mais maintenant que plusieurs jeux sortent sur les 2-3 en même temps, difficile de les départager. À un moment donné, dans mon cas en tout cas, c'est le portefeuille qui finit par parler. Alors j'ai dû m'en tenir à mon PC et un PS3. Mais c'est là que la beauté du rétro gaming arrive, parce que l'on peut toujours rentabiliser ces vieilles consoles avec des jeux qui sont passés inaperçus que l'on redécouvre pour pas cher. Mm-hmm. Ça, c'est tellement vrai. Il y a Nicolas Bertrand-Verge qui dit « Être fanboy, c'est bon quand t'as l'âge de pas avoir l'argent pour avoir plusieurs consoles. » Ça, c'est vrai. Voilà. Je me souviens qu'avec mes chums, on s'engueulait tout le temps. J'avais une Xbox, un autre une PS2, l'autre une GameCube. Mais on avait 13 ans, c'était le bon temps. Those days. Mais c'est ça, moi, je m'aperçois que les fanboys, ce qui arrive souvent, c'est que c'est du monde qui ont une console ou du monde qui ont juste cette console-là. C'est souvent ça, effectivement. Puis, par défaut, ils ont ça, fait qu'ils sont fanboys finis. Tu sais. Ben, c'est pas correct d'être un fanboy. Non, c'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Tu peux être un fanboy tant que tu veux, mais il faut que tu sois tolérant du reste, tu sais, puis il faut que tu sois ouvert, tu sais. Moi, je suis un fanboy. Je pense que je suis capable de dire que je suis un... Ben, je m'en sac un peu, mais... On pourrait dire que je suis fanboy de Nintendo parce que, tu sais, dans le rétro, moi, c'est Nintendo. Toutes les consoles portables de Nintendo, tu sais. Je suis aussi un fanboy de Castlevania, tu sais. Oui. Mais, je veux dire, j'aime bien d'autres affaires que ces affaires-là. Oh, puis, je suis capable aussi de trouver les... d'admettre les failles, tu sais, de Castlevania puis de Nintendo parce qu'il y en a d'aplomb, tu sais. Oui. Fait qu'il faut rester ouvert, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a un fanboy dans tout le monde. Ben oui. Tout le monde est un fanboy de quelque chose, tu sais, puis veux pas. Moi, c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que je regarde, je suis fanboy de quoi, puis je suis fanboy de tellement plein d'affaires, tu sais. Ben là, fanboy, veux-tu dire comme vraiment aimer une affaire? On dirait que c'est ça. Il y a deux façons. Fanboy positif, tu sais, t'aimes vraiment un truc. Puis fanboy cave, genre, t'aimes juste tes affaires puis t'as eu tout le reste sans les avoir essayé. Là. Exact. Mais moi, fanboy, je vois plus ça, tu sais, que moi, ça pourrait être dit fanboy ou fangirl. Tu sais, dans le sens que t'es juste fan fini de quelque chose. Mm-hmm. Puis moi, pour moi, un fanboy, ça veut dire... Quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte de cette personne-là ou de ce produit-là ou de cette compagnie-là, je vais avoir un intérêt. Ouais. Ça veut-tu dire que je vais l'acheter? Ça veut-tu dire que je vais l'aimer? Ça veut rien dire. Sauf que ça veut dire que moi, aveuglément, si cette compagnie-là sort quelque chose, je vais l'acheter. Comme, mettons, moi, je pourrais dire je suis un fanboy de Suda 51. Ouais. Tous les projets de Suda 51 m'intéressent. J'ai hâte qu'ils fassent un autre jeu. Puis si je vois qu'ils travaillent sur un autre jeu... Je vais avoir un intérêt. Maintenant, est-ce que je vais trouver que le jeu est bon? Pas nécessairement. Ça veut pas dire que le jeu va être bon. T'sais. Absolument. Fait que c'est ça. Puis il y a des fanboys aussi, comme je me souviens, PS Vita, 3DS, c'est très drôle parce que il y a du monde qui se dit ça. Je suis comme ah, t'es un fanboy de 3DS, ah, t'es un fanboy de PS Vita. La plupart du temps, c'est parce que il y a deux camps. Il y a ceux-là qui ont une 3DS, ceux-là qui ont une PS Vita. Ouais, c'est ça. Ceux-là qui ont l'une détestent l'autre. T'sais, C'est un peu nono, là. T'sais, ben, faut pas te détester, tu sais, mais en tout cas, il y a quelqu'un quelque part qui a mis le feu, là, puis après ça, ça fait de la chicane, tu sais, mais... Ben, tout ça, c'est les commentaires puis les critiques qu'il y a sur Internet aussi. Je pense que ça influence bien des gens. Là, quand tu lis rien, mettons, puis t'achètes ta 3DS, ta PS Vita, puis tu joues, tu sais, je veux dire, tu tripes, là. Moi, je consulte pas les critiques, là, vraiment de rien. J'ai une 3DS, puis là, je joue aux jeux qu'ils m'ont donné, puis j'aime ça. Je joue à Kid Icarus, je tripe, VVV est arrivé, man. Je voulais licher le plancher, j'étais super content, tu sais. Je veux dire, je pourrais pas demander plus, là. Mais on pourrait dire que je suis fanboy de ma 3DS, là. C'est un peu niaiseux, mais je l'aime, ma 3DS. Puis, ben, c'est ta meilleure console, là. Toutes consoles confondues que tu as chez vous présentement, c'est ta meilleure console. Ma PS3, mon NES, c'est dur à dire, là. Moi, mon NES, là, il est très... Mon top loader NES est très précieux. Je joue beaucoup avec, là, tu sais. Mais je joue beaucoup avec ma 3DS, c'est très pratique. Mais j'achète pas de PS Vita, ça me tente pas, ça coûte cher, blablabla, tout le reste, je m'en fous, je suis pas rendu là. T'sais. Moi, j'achète des affaires en retard, mais sans même avoir joué, je suis capable de reconnaître les forces de la PS Vita. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Puis peu de gens sont capables de reconnaître les forces de Nintendo aujourd'hui. Excuse. Puis ça, je trouve ça un petit peu dommage. Là, pas pour défendre Nintendo absolument, mais... Moi, j'ai tendance à vouloir défendre les gens sur qui on tape. Puis je trouve qu'on tape sur Nintendo. Les underdogs. J'aime les underdogs. Fait qu'on tape sur Nintendo solidement. Là, mais c'est aussi... c'est une autre affaire aussi. Nintendo, c'est bien spécial parce que c'est quasiment une mode de taper sur Nintendo. C'est comme une cible facile parce qu'ils font des jeux plus cute qui ramènent à la nostalgie, à ce qu'on jouait quand on était jeune. Puis il y a plusieurs joueurs qui vont littéralement chier là-dessus parce que justement, ils trouvent ça trop bébé. Puis c'est ça, il n'y a pas de guns, c'est pas des first-person shooters. Ces gars-là voudront jamais jouer à Kirby, mais mets-leur Kirby Return to Dreamland dans les mains. Mettons, ils sont en prison, là, tu leur mets ça, puis ils n'ont pas le choix parce que c'est tout ce qu'ils ont à faire. Là. Ils vont triper là, jouer à Kirby. Là, ils te le diront pas, parce que c'est Kirby, puis c'est con. Mais moi, c'est drôle, il y a comme un... Tu sais, je veux pas généraliser, mais en même temps, ça m'est arrivé comme 9 fois sur 10 de me rendre compte que quelqu'un qui détestait Nintendo, c'était un joueur PC la plupart du temps. Ouais, non, ben, les joueurs PC ont comme une autre mentalité par rapport à... Tu sais, moi, je pense que dans ma vie, je connais plus de fanboys de PC que de fanboys de n'importe quelle console confondue. Non, non, c'est clair. C'est parce que quand tu joues sur PC la plupart du temps, t'as vraiment un intérêt plus fort pour des genres, comme pour les first-person shooters, les jeux de stratégie, les simulateurs, les... Tu sais, fait que c'est ça qui est quand même incroyable. Ce qui est plate, c'est qu'il y a des gens qui sont fermés, qui vont bâcher d'autres produits, comme tu as dit tantôt, puis qui connaissent même pas, qui ont jamais joué. Combien de monde j'ai entendu dire, comme... la Wii, nanana, ils vont sortir un autre jeu, ça va être encore de la merde, nanana, où ils sortent jamais de jeu. Ah, il est temps que je rejoue à ma Wii, elle ramasse la poussière. Hey, come on, là. Il en sort plein de jeux depuis un méchant bout, puis tout ce que t'as fait, c'est que t'as décidé juste de l'abandonner, cette console-là. Tu t'es dit, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je voulais, tu l'as lâché. Ben, c'est correct, c'est aussi ton choix. Mais la console n'est pas de la merde totalement pour autant, parce que elle a du power, elle a des choses pour elle, tu sais. Puis c'est pas grave si elle est pas HD, puis c'est pas grave, tu sais, si c'est pas... Je veux dire, on aimerait tout ça, mais... Ben, t'as le droit d'espérer. On est tous déçus, mais bon, tu sais, elle a des choses pareilles Oui, elle a quand même des bonnes choses, puis tu sais, c'est pareil pour toutes les consoles, tu sais. Moi, regarde, à Monsieur Net, je pense que depuis... 3 ou 4 mois, là, je suis pratiquement juste sur 360. Ouais. Je fais juste des jeux de 360, puis il y en a des bons jeux, la 360. Absolument. Mais moi, tu veux, si j'avais le choix, je jouerais avec ma PS3. Ouais, c'est ça. On a tous une console préférée. Absolument. Est-ce que ça fait de nous des fanboys? Peut-être, puis tant mieux. Mais c'est pas grave. Parce que, regarde, moi, c'est comme si je te disais... Dom, demain matin, là, j'aimerais ça que tu portes des pantalons bouffants. Là, t'sais. Faut absolument que tu portes des pantalons bouffants comme MC Hammer. Tout, tu vas me dire comme « Fuck non, j'aime pas ça. » Ouais, ouais. Mais t'as le droit d'avoir des préférences. Mais capable de reconnaître qu'il peut y avoir un certain un certain confort dans les pantalons d'MC Hammer. Mais c'est ça. T'sais. C'est exactement ça. Mais tu sais, je me dis, tu sais, il faut pas. Mais ça, c'est comme dans la vie, tu sais. Il faut juste pas avoir de la haine pour rien. Ouais. Puis être cave, puis les yeux fermés, puis il faut être ouvert. T'sais. Ouais. C'est pas rien que dans les jeux vidéo. Ta vie devrait être comme ça, là, tu sais. On a déjà parlé ça dans le podcast parce qu'on disait, tu sais, que t'sais, souvent détester ce que tu connais pas, c'est un phénomène de société au ouais. départ, tu sais, pour les ethnies, pour les langues, pour les orientations sexuelles, pour les films, la télé, la musique, les jeux vidéo, c'est par rapport à tout. Il y a beaucoup de monde qui déteste avant de connaître ou parce qu'ils connaissent pas quelque chose, ils détestent tout de suite. T'sais. Il y a tellement de haine dans le monde pour des affaires plus importantes que les jeux vidéo. Oui, c'est ça. Sont donc les jeux vidéo tranquilles, puis soyons donc toute une belle communauté. Mais c'est ça. Par la main. Parce que moi, ça arrive souvent, tu sais, j'avoue que des fois sur Twitter, je pogne les nerfs ouais. à cause que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui bâche rapidement, tu sais. Mm-hmm. Admettons, il y a un jeu qui est pas sorti, puis là, ils vont dire comme « Ah, oh, ça va être encore de la merde, ça. Ouais. » Comme « Ah, oh, man, arrête, là. » Tu sais, tu peux pas être un peu enthousiaste par rapport à la vie. Regarde, mon gars, le ciel t'amène des fucking jeux vidéo, de la gomme ballon pour tes yeux puis tes mains. Puis tout ce que tu fais, c'est comme jeu de merde. Puis finalement, tu vas te retrouver dans le magasin à l'acheter 60 fucking piastres. Puis après ça, tu vas dire, ça coûte trop cher, ça a duré 6 heures, mais tu vas jouer pareil. Tu vas avoir bien plus de fun à jouer à ça qu'à faire peut-être la même affaire qu'un enfant présentement qui a pas la même vie que toi, puis qui est dans un autre pays, qui est obligé de manger un biscuit de saleté. À cause que c'est juste ça qu'il a à manger. Puis lui, son trip dans la vie, là, c'est d'avoir un bâton puis de taper sur une petite roche dans la rue. Fait que tu dis comme sacrement, on a des jeux vidéo. Là. Oh, non, c'est pas trippant, on peut pas être enthousiaste. T'sais. Moi, je suis un éternel optimiste, je l'avoue. Mais je me dis que le jeu vidéo, c'est un plaisir de la vie. C'est comme le chocolat. Quand t'en goûtes un mauvais, il est bon pareil. Mm. Fait que, tu sais... Mais c'est comme si le monde se prenait tellement au sérieux aussi. Oui! Là, tout le monde est très critique, tu sais, où tout le monde s'imagine des spécialistes, là, tu sais, mais... C'est parce que ça reste du divertissement, jeu vidéo, tu sais. C'est ça, pareil. Mais tu sais, en même temps, quoi d'autre? Sur quoi pourrait-on jeter notre dévolu de critique, là, tu sais, je veux dire... On est quand même des enfants gâtés en Amérique du Nord. Ah, là, ben on se paye des babelles, puis là, on chiale sur nos babelles. Ah ouais, on se rend pas compte, tu sais, qu'il y a du monde qui meurt, là, mais nous autres, on est comme, oh là, Mass Effect 3. Là. Ouais, c'est ça, la fin est poche, ça a tout là, fucké ma vie. Ça a fucké mon mois, là. Ils ont pas fait une bonne fin, moi, là, si tu m'en vas aux urnes, calique. Tu sais, c'est ridicule. C'est juste vraiment épais, puis. Non, c'est clair. Tu sais. Pensez-y, la prochaine fois, moi je pense, la prochaine fois que vous voulez chialer sur un jeu qui est pas sorti, ou littéralement, juste passer du temps savoureux sur des boards à chialer sur un jeu comme des Mongols, parce que vous êtes pas d'accord, là, pensez à tout le temps que vous perdez, là, le précieux temps que vous perdez, tu sais. C'est clair. Tu sais, c'est bon d'être un fanboy, mais je pense qu'il faut pas que ça ruine ta vie. Faut pas que ça te... Si tu vois que les gens autour de toi commencent à s'éclipser un peu puis à se reculer, c'est peut-être parce que t'es trop intense comme fanboy, là, t'sais. C'est clair. On enchaîne donc en musique avec une track de Raiden 4, disponible au Xbox 360, un excellent shooter. C'est la toune du boss du premier stage. Alors, on y va. Yes. top 5. Et hey, aujourd'hui, là, notre top 5, ça va être, ça va être c'est magnifique. Fou. C'est fou, man. C'est un top 5 spécial. Là. C'est un drôle de top 5. C'est une bonne idée que j'ai eue, je trouve. Ben oui, c'est une super bonne idée que tu as eue parce que ça a commencé qu'on avait une idée épouvantable, puis tu as eu une bonne idée. Ben, c'était une pas mauvaise idée que tu avais, pareil. Ouais, c'est mais c'était tough. J'essayais de trouver, puis ça ne venait pas en tête, en tout cas. Ouais. On va en reparler plus tard, on va le faire, ce top 5-là, mais on brûle pas le punch. Ça. Fait que là, ce soir, le top, c'est le top 5 des pires ports d'arcade à console. Ouais. Fait que là... Ça saveur rétro, là, pas le choix, là. C'est ça, c'est vraiment saveur rétro, c'est sûr et certain. Là. Mm. On parle pas des remakes, là, on parle vraiment d'un port d'arcade à console. Absolument. Fait que, on commence ça. Numéro 5. Fait que le numéro 5, c'est Willow. C'est une drôle... Ça, c'est ton choix. C'est ça. Mon choix. C'est vraiment... c'est entièrement personnel, mais... Moi, je catche pas ça par toi. Explique-moi, là. Mais c'est parce que... À part toi, qui d'autre a joué à Willow à l'arcade en Amérique du Nord? Ben, Sébastien Hood, le gars de Boulevard Brutal, de Boulevard Brutal... J'ai joué à ça avec lui. Il y avait une arcade de Willow à Terrebonne. Il y avait une arcade de Willow à Terrebonne. Si j'ai joué, ça veut dire que c'était à Terrebonne. Parce que moi, j'étais à Terrebonne. C'était à notre arcade de louche à Terrebonne. Okay. C'est là que j'ai joué à ça. Pour commencer, le jeu, c'était un jeu d'arcade en 1989. Puis c'était fait par Capcom. Puis il y a eu un port sur Nintendo en 1989. Moi, j'ai joué à la version T'as Nintendo. Joué à la version Nintendo. Moi, j'ai J'avais joué... même pas qu'il y avait une version arcade, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai commencé par jouer à la version arcade parce que Willow, c'est un de mes films préférés de tous les temps avec... Val Kilmer. Man Martigan. Colin qui est hot, Man Martigan. Puis, c'est ça, ce qui arrive, c'est que Willow, là-dedans, c'était un platformer vraiment simple. Action, un jeu d'action, tu sais. Gauche à droite, mais à l'arcade. Puis là, t'incarnais Willow, t'incarnais aussi Mad Martigan. Ah ouais, tu faisais. Oui. OK. Fait que, tu sais, les tableaux changeaient, puis évoluaient, puis ça faisait beaucoup référence à ce qui se passait dans le film. Mm-hmm. Fait que moi, j'avais vraiment aimé ça, puis surtout que des platformers à l'arcade, il y a de quoi qui vient me chercher, là. J'adore les platformers à l'arcade parce que c'est une autre façon d'y jouer, puis c'est des jeux que tu peux jouer sur console. Puis là, c'était Capcom. Ça avait un look assez Super Nintendo, fait que je me suis dit, bon, ben j'imagine que ça va sortir à un moment donné sur les consoles, mais à ce moment-là, la technologie était pas assez forte. À ce moment-là, il y avait juste le Nintendo de sortie. Mm-hmm. Fait que si on décidait de faire Willow, c'est un jeu qui a été fait par Capcom, mais ils ont fait un jeu comme Zelda. C'est Zelda... Carrément. À la sauce Willow. Zelda 1, là, qu'on parle. Zelda 1. Vu en plongée. Ouais, vu de haut, là. Avec ton sprite, là, qui est quand même assez laid aussi, un peu chubby. Oh, oui. Puis tu te promènes dans un village, dans la forêt, mais tout est square. Alors, c'est vraiment Zelda. C'est un panneau avec des squares. Exact. Tu tasses. Un panneau, tu tasses. Ça. Puis tu sais, c'est... Tu ramasses des items, pareil comme dans Zelda. Ah ouais, même affaire. Puis l'histoire est beaucoup plus développée, évidemment. Ouais, c'est vraiment un quest, là, plus qu'un jeu d'action. Là. C'est ça. Tu sais, c'était plus un jeu d'action à l'arcade. Moi, je pense que c'est peut-être ce côté-là que j'appréciais plus. Parce que Willow, version NES, j'ai rejoué sur un émulateur. C'est plate en sacrifice, C'est plate. Vraiment plate. Puis moi, j'ai déjà mis en quelque part, là. T'sais, j'étais comme, comment je fais pour aller plus loin? J'ai jamais réussi. Puis là, j'ai découvert un cheat. Il y a comme tu payes sur Select, tu peux rentrer un genre de password qui marche avec des formes. Une affaire fuckée, mon gars, là. Pas possible. Ouais. Là, je me ramasse au dernier tableau avec la sorcière. Okay. Tu sais, dans le film Willow, là, son arme ultime, c'est la petite branchouille là, qui lance des sorts. Ben, elle est là dans le jeu. Puis la petite branchouille, tu sais, elle lance une petite bubule. Ouais, une petite bubule. C'est avec ça que tu tues la reine Bavmorda. En fait. Mais moi, je jouais avec le Game Genie. Tu sais, j'avais de la magie illimitée. Fait que je la bombardais, puis il n'y a aucun autre moyen de la tuer. Fait que. J'ose jamais rejouer à Willow parce que j'ai peur à la fin que sans Game Genie, je saurais pas quoi faire. Oh. Mais vraiment, c'est un jeu de merde. Ouais, c'est vraiment pas bon là. Mais jeu d'arcade, essayez ça. Au pire, il est difficile à trouver parce que faut vraiment que tu joues avec genre un truc mamé ou des trucs comme d'émulation d'arcade. Oui. C'est pas mal la seule façon d'y jouer maintenant. Mais c'était vraiment un bon jeu, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai rejoué à cette version-là en émulation, puis c'est aussi trippant parce que ça ressemble à un Castlevania. Ouais. Fait que c'est vraiment trippant, c'est vraiment c'est un bon jeu, Colin. Ça, est bon. Ah oui. Numéro 4. Fait que quatrième place, c'était ma sélection. Oui. Puis c'est même pas tant mauvais. Écoute, on va y aller tout de suite. C'est Final Fight. Ouais. À l'arcade, oui. Qui a été porté au Super NES. Tu l'avais c'est, dit? Ouais, j'ai mis les années. Ça a été l'arcade, c'était 1989, Super NES, 1991. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce qu'il y avait, c'était la version Super NES, c'était quand même pas si pire. Non, mais pas ont, si pire. Ils ont changé des choses. Puis la plus grosse, ce qui m'a fendu le cœur, c'est qu'ils ont enlevé un personnage, tu sais. À l'arcade, hein? t'as Guy. Ben, okay. Guy, moi je l'appelle Guy, désolé, là, je viens d'une place où ce qu'on appelle ce gars-là Guy, je l'appelle Guy. Puis t'as Cody, puis t'as Agar, tu sais. Ouais. Puis là, aux versions Super NES, t'as juste Cody puis Agar. T'as ouais. pas mon bonhomme que je prenais, moi, tu sais. C'était Guy. C'était Guy, je prenais. Colin. C'était un ninja, puis il est rouge, puis il est badass. Il est parti animer un gros show à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils l'ont juste pas mis, man. Ah, oh, il n'y a plus de place, là, sa cassette, là, pour coder le Guy, là. On code pas Guy, pas de Guy, tu sais. C'est comme, voyons donc, tu sais. C'est quoi ça? C'est rien. Mais c'est drôle que c'était ça. Ton doute, parce que tout le monde prenait Agar. Moi, quand je jouais à ça à l'arcade, le monde n'arrêtait pas de s'assassiner pour prendre Agar. Ouais. C'est comme, fuck you, moi, je veux prendre Agar. Mais c'est parce que moi, j'aime les underdogs dans la vie, là. D'ailleurs, ouais. J'espère que les Panthers vont gagner leur série. Mais c'est ça. Fait que toi, genre, dans King of Fighters, là, tu devais prendre le petit dude à calotte blanche. Ah, oh, non, je prenais. J'ai jamais joué à King of Fighters. Okay. J'ai joué à Fatal Fury. Je prenais ouais. Kim Kafwan. Okay. Je sais pas s'il est présent dans King of Fighters. En tout cas, whatever. Mais oui, je prends tout le temps les underdogs. Je prends pas, tu sais, Ryu. Je prends Ken. Okay. Je prends pas Killik. Tu sais, je prends okay. Wang, justement. Bon. Ah ouais, c'est fait ça. Que moi, je prenais Guy. Puis là, okay. pas de Guy, tu sais. Premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, il y avait des filles dans le jeu-là à l'arcade oui, qui étaient oui, comme à moitié semi-nues, chandail oui, oui, déchiré, oui. tout ça. Ça, c'était sharp. Ah, c'était malade. Puis ils étaient punk, là, tu sais, à mort. Puis ouais. quand. Au Super NES, ils ont full habillé, là. Ah oui. Ils ont comme transformé en lesbienne, là, avec des cheveux punk, là, tu sais. Ça marchait pas partout. Tu sais, Nintendo a comme baissé d'une coche, ouais. là, tu sais, la. La sexualité là, dans ce jeu-là. En fait, pas que c'est vraiment. Trop explicite, on veut vendre ça aux jeunes avec c'est Mario ça, Bros. T'sais. Mais pas que c'est vraiment important, tu sais. Mais non, c'est, sûr. C'est le fun que ça garde les vraies affaires. Là, ben oui. Moi, en tout cas, j'étais bien déçu de ça. Colin, moi, j'ai même pas remarqué la différence de la conversion parce que ben, j'avais a... joué à l'arcade. Ouais. Puis quand j'ai joué au Super Nintendo, j'avoue que c'est ça, moi, Guy, je l'haïssais. Fait que je prenais tout le temps Agar. Fait que moi, quand j'ai vu qu'Agar était là, que je pouvais faire son petit move de tornade, ouais, ouais, ouais. j'ai ah, c'est Final Fight, je suis correct. Ouais, ben c'est correct. Mais il y a de quoi, ça a perdu son charme, je trouve, ouais. en jouant au Super NES. Parce que moi, je pense que c'est l'arcade dans laquelle j'ai mis le plus d'argent dans ma vie. OK. Ça. À Saint-Joseph-de-Beauce, au centre d'achat. Wow. S'il y a des beaucerons qui m'écoutent, mes amis d'enfance, ils vont le savoir. Club Vidéo Dawson. Puis, je joue à ça. Mais à cette heure, tu sais, t'as comme des continues, t'en as quelques. Ouais. C'est pas pareil. Ça perd, je trouve que c'est ça, ça perd son âme, un jeu comme ouais, ça, quand c'est ça. Pas à l'arcade. Là, c'est comme X-Men, qui il est pas dans le top 5, mais X-Men, ça a été porté sur iOS, oui. sur ordinateur, sur les consoles, puis c'était tellement plus le fun à l'arcade. Tu peux pas comprendre le trip, à mon avis, absolument. Si tu joues pas sur une arcade. Il y a des jeux comme ça que tu peux pas jouer sur une console, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, à cause des conversions, à cause qu'il n'y a pas mon bonhomme, puis à cause que ça a perdu un petit feel de l'arcade, tu sais, ça enlève un petit edge, j'étais bien déçu de ça. Oh. Mais c'est disponible sur la Wii Virtual Console. Oui. Moi, ça doit être 800 points, donc 8 piastres, quelque chose comme ça. Il y a un remake aussi sur PlayStation Network puis XBLA okay. Qui est en HD. Puis que j'ai pas essayé encore, puis que je veux acheter pour notre virée à Tremblant, parce que c'est le fun. Final Fight, mais vraiment un remake HD, là, comme reboosté sans bon sens. Nice. Fait que. Puis en passant, des Final Fight, il y en a 3 hein, au Super NES. Ouais. Puis il y en a un quand. Le deuxième est quand. Les deux autres sont très bons d'ailleurs. Je me demande si je les ai pas préférés, tu sais. Dans le deuxième, il n'y a pas de Guy, pas de Cody, rien. Il y a encore Agar, mais il y a un dude avec une épée, là, un peu d'un cowboy. Il est pas pire. En tout cas, juste pour vous dire, là, s'il y a du bon stock quand même au Super NES, mais le premier, c'est pas le meilleur. Bon. Numéro 3. Bon. Numéro 3, là, je pense que n'importe qui est allé dans une arcade en 1991 a joué à ça. Je parle de Terminator 2, Judgment Day. Oh yeah. Puis là, on parle du jeu, on parle du jeu avec le gros gun. Ouais, ouais, ouais. Le gun badass. Il a été porté sur Super Nintendo en 1992. Oui. Ce qui arrive là-dedans, c'est que à l'arcade, t'avais l'arme dans les mains. Ah oui. Ça grouillait dans tes mains comme un mongol. T'avais un bouton de grenade aussi sur le bord du gun. Là. C'était badass. T'entendais Arnold te parler en 16 bits. Ah, ouais. C'était écœurant. Là. Ah, c'était vraiment un bon jeu de gun. J'ai tellement mis d'argent dans ce jeu-là. Mais c'était, c'était comme une expérience complète. Puis c'est ça aussi qui est plate, c'est que la mort des arcades, ça a tué une expérience, à mon avis. T'sais. Totalement. Tu pourras jamais, en 100 ans, avoir cette expérience-là chez vous. Achète-toi le gear que tu veux, la plus grosse TV qui fait tout le mur. T'as pas cette expérience-là d'être dans une cabine qui t'entoure, puis d'avoir, d'avoir le feeling jeu, que là. C'est ton argent qui est en jeu. Ouais, moi, c'est ton quelque argent chose, est ça, en jeu. Parce que quand j'avais 2 piastres en 25 cents, ben, j'avais pas plus d'argent que ça. Fait que t'es mieux d'être bon à ton jeu, parce que sinon tu joues pas longtemps. Là. Ah non, tu l'avais. Soit tu l'avais gagné durement ton argent, ben oui. ou c'est ta Ou c'est t'as quêté à tes parents, là tu te sentais mal de quêter à tes parents. En tout cas, moi. Là, t'as 2 piastres, puis t'as un 2 piastres brun en papier. C'était pas un loony, là. Puis tu l'amenais sur la table, tu faisais comme Colin, j'ai 8 25 cents. 8 parties. Puis là, tu choisissais tes machines auxquelles tu étais le meilleur. Puis en tout cas, Terminator 2, la machine était vraiment écœurante, puis tu avais vraiment une expérience complète. Puis c'était un des jeux de tir les plus cool à l'arcade dans ces années-là. Il y avait Area 51 qui a aussi beaucoup pogné dans ce temps-là. Mais Terminator 2, c'était vraiment la bombe parce que c'était aussi comme des. Il y avait aussi The Lethal Enforcers. Animés. Ouais. Quand tu mettais tes 25 cents, dans ça, on faisait ça. The Lethal Enforcers. Excuse, continue. J'ai comme un flash. Ah ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait une version Super Nintendo de ça. Puis, oui, tu joues avec ta manette, sauf qu'il y avait une option de jouer avec la souris de Super Nintendo ou avec le Super Scope. OK. Mais évidemment. Il n'y en a pas un calique de nous autres qui a acheté ça, le Super Scope ou la souris, tu sais. Mais attends, là, je t'ai un fait peu que j'avais mélangé, pas ça. Parce qu'il y en a une version aussi qui c'est un jeu style platformer. Oui, il y a Terminator 2. OK. Puis il y a Terminator... Il y a Terminator 2 Judgment Day, puis il y a Terminator 2 Arcade Game. Ah, toi, si tu parles de Arcade Game, c'est exactement la même affaire. C'est ça. Arcade Game, c'est exactement la même affaire. Jouer avec un Super Scope, mon gars. Ben comme... oui. T'sais, c'est dommage pourri. Ça marche mal. T'sais, t'avais comme pas de précision. Puis, t'sais, avec le gun, là, tu voyais ta mire, là, elle suivait partout où t'allais. Gun était plugé dans la table. C'était pas une affaire de laser. Non, non, c'est ça. Fait que c'était hyper précis, puis t'avais tes alliés qui étaient en avant sur le bord des tranchées qui essayaient de tirer les robots, puis là toi tu tirais, puis fallait que t'ailles vraiment pas loin autour. Si Nintendo t'arrêtait pas d'entendre comme New! Tu tirais tout ton crew dans la tête. Parce que t'arrêtais pas de tirer ton crew sur les épaules. Fait que là, il était écœuré. C'est comme mon si arrête de me tirer dans le dos. Fait que tu sais. C'était atroce sur Super Nintendo. C'était vraiment une expérience épouvantable. C'est pas à cause qu'ils se sont pas forcés. Ils se sont forcés, mais c'était pas assez précis. T'avais pas la précision du gun. T'avais pas l'expérience. Mm-hmm. Fait que moi, juste pour ça, je le condamne. Numéro 3, Terminator 2 Arcade. Jouer dans une arcade. Ah oui. Numéro 2. Fait qu'en deuxième place, ça aurait, à mon avis, mérité d'être en première place. Mais en première place, on se garde là, quand même quelque chose qui nous est cher. Oui, c'est ça. Sentimental. Mais Pac-Man. Oui. On parle de Pac-Man version Atari 2600. Puis je comprenais pas ton choix, moi, j'avoue, au départ. Ah, c'est quand ça, tu m'as amené ça, j'ai fait comme, voyons donc, non, pas numéro 2, pas tout. Ben, numéro 2, oui, parce que... J'ai finalement compris. Ben, c'est ça. C'est à cause de Pac-Man et de E.T., mais beaucoup aussi à cause de Pac-Man, que Atari est mort, tu sais. OK. Parce que... Pour résumer ça rapidement, Atari était genre vraiment la grosse compagnie. Ça a été acheté par Warner. Warner avait des mauvais dirigeants d'entreprise, genre des tyrans, même des despotes. Fait que les meilleurs programmeurs ont sacré le camp. Aïe. Fait que là, quand il restait rien que les pas bons, là, puis ils ont engagé du monde, géré tout croche, là, dans le fond. Oui. Puis quand ils ont engagé, quand ils ont eu de Namco le droit de faire Pac-Man, puis ils ont payé ça une fortune, tu sais. Là, c'était comme shit. Ils ont donné Pac-Man à faire à des Pee-Wee, dans le fond. Puis là, ben, ils ont fait ça. Un espèce de jeu vraiment mauvais. Mais, tu sais, ça peut pas être pareil comme sur l'arcade. C'est un Atari, tu sais. Il faut s'entendre. Mais Miss Pac-Man est sorti. Puis Pac-Man Jr. est sorti aussi. Puis c'était comme. Ça torchait ça, là. All mais c'est quoi qui faisait que celui-là était pas bon? C'était-tu les contrôles? C'était. C'est... Premièrement, ton Pac-Man, il était pas. Il était vraiment laid, tu sais. Il était comme. Il faisait tout le temps dans le vide. Les fantômes, il n'y avait pas de couleur. C'était juste des taches qui clignotaient tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça avait de la misère à les voir. Pour l'Atari, ouais. Tu les voyais pas, tu sais. Ah, c'est ça, hein, il faisait clignoter pour que ça prenne moins de jus. Ouais, genre, c'est ça. Je sais pas. Puis quand tu manges tes pinots, c'est quink, quink, quink. C'est carton, là, au max. C'est là. Vide, ça tue l'expérience d'arcade. Puis y a pas de musique, y a rien. T'sais. Tu fais juste arriver, tu fais le start, ça commence. T'sais. Ça aurait pas pu être fait pire que ça. Là, okay. C'est vraiment, là, on dirait une version bêta. Là. Oh, c'est oui. Super pas bon, là, ce jeu-là. C'est plate, plate. Miss Pac-Man, super le fun. Ouais. Ça, pourri, mon gars, ça n'a pas d'allure. C'est dommage. C'est dommage, mais Atari, ils en ont fait des millions. Ils en ont vendu des millions, mais ils ont eu de l'over là, au max. Là, ça fait qu'ils ont resté pognés avec ça dans les bras. Et avec le lot de cassettes E.T. Et là, bien sûr, la légende en bas. Ben, la légende est vraie. C'est enterré dans le désert parce que c'était trop mauvais. Là, mais il y a tellement eu de part de Pac-Man qui ont ravivé la série. Je pense juste à Pac-Man DX Championship Edition. Ah, tellement bon. C'est malade. C'est vraiment, à mon avis, le meilleur Pac-Man qui existe. Mais là, tu sais... Attends-moi. Cette version-là, là, c'était pas terrible. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ah, ben oui! Tengen? Tant qu'à y être, le Pac-Man Tengen est vraiment très, très, très semblable à la version arcade. Là, puis j'ai rejoué l'autre fois parce que je l'ai acheté et je voulais voir s'il fonctionnait. Ouais. Numéro 1, mon gars. Puis j'avais du fun. Ouais. Mais ça, là... Zéro fun, pourri. C'est malade, hein, parce que c'est un jeu tellement simple en plus. Tu te dis, c'est impossible de manquer ça. C'est pour ça même, moi, je mettais ça en question. Je me disais, ben voyons donc, c'est comme si quelqu'un manque Pong. Ouais. Tu sais, ça se fait pas. Ben, c'est un petit peu plus compliqué, simple. Peut-être, là. Mais as-tu déjà joué? Non, j'ai jamais joué à la version 2016. Je vais te le faire jouer, mais tu vas voir que ça m'a appuyé. T'auras plus aucun doute sur ce choix numéro 2 de Pac-Man au 2600. Numéro 1. Alors, le grand numéro 1, c'est Narc. Narc. Narc, un jeu malade. À l'arcade, c'était excellent. C'était tellement une bombe d'en face. Tu sais, c'était vraiment impressionnant comme jeu. C'était un jeu, t'étais deux policiers de narcotiques, un rouge, un bleu. Puis t'avais une veste par balle, un casque de moto, des mitraillettes dans chaque main. Puis tu te promenais dans les rues, puis tu tuais les junkies. Tu te promenais de même, t'es gonnais. Là, quand tu gonnais les junkies, genre, ils mouraient, puis il y avait de l'argent qui tombait, tu ramassais ça, tu rentrais dans un building, puis à un moment donné, tu pognais une fucking Porsche 911, man. Là, les deux polices embarquent dans la Porsche, man, écrasent du junkie malade, les gars, ils roulaient dans l'écran. Puis le graphisme était beau, tu sais. C'était beau, c'était comme un peu comme Pit Fighter ou certains jeux dans ce temps-là. Comme Terminator 2 qu'on a parlé tantôt, tu sais, c'était des vidéos, puis ils prenaient tous les frames de la vidéo pour faire les personnages. C'était écœurant, là. Puis tu sais, c'est drôle, ce jeu-là, parce que c'est un jeu qu'ils ont fait contre la drogue, tu sais, pour les jeunes, mais c'est ultra violent. Il y avait plein de drogues. À la fin, ils te montraient combien de plants de potes t'avais ramassé. Ah oui, puis combien de seringues que t'avais ramassé. C'était des seringues, des plants de potes, puis de la cocaïne. Puis t'avais des boss aussi, genre. Puis ils te montraient une snapshot du boss avant de commencer le tableau, puis il y en a un, tu sais, il était de même. Oui. Il tenait une seringue, tu sais, puis il avait des lunettes fumées, une coupe longue. Oui, c'est ça, lui, il pichait des seringues. Il lançait des seringues. Hey, quand j'avais pas pris le temps d'y repasser, mais pense, c'est fucking tordu, ce jeu-là. Le gars, il a une 200 seringues sur lui, puis il pitch ça. Puis les seringues étaient trop grosses pour l'écran. C'est clair. Il était large comme ton chest. C'est ça, il avait des grosses seringues de la grosseur d'un enfant. Il pitch ça au gars. Okay, il y avait des gars en trench coat aussi, qui étaient des exhibitionnistes. Puis quand t'es pogné, quand t'es busté, ils te laissaient un sac de poudre à terre. Non, mais c'est juste malade. Tordu comme jeu. Puis justement, pour dire, c'est quand ça, c'est un jeu d'arcade en 1988. Okay. Puis ça a été porté sur le Nintendo en 1990 parce que c'était tellement populaire dans les arcades. Ouais. Tu sais, c'était la fameuse emblème du Winners Don't Use Drugs. Ouais, ouais, ouais. C'était comme le jeu pour ça. Ouais, c'est clair. Ça expliquait tout. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? La machine n'a pas suivi. Moi, c'est ça que je trouve. Il y a deux problèmes. La machine n'a pas suivi pour être capable de backer tout ce qu'il y avait dans Narc, ce qui faisait que tu te retrouvais avec un jeu qui avait de l'air de la merde. Littéralement. C'était. Puis ça, c'est à cause de quoi aussi? C'est parce que c'est fait par Acclaim ou LGN. C'est Acclaim. Acclaim. C'est Acclaim. Compagnie de marde. Ouais. Développeur de marde qui fait un bon jeu sur 10, genre. Fait que, puis Acclaim, c'est eux autres qui ont fait aussi Mortal Kombat, oui, tu sais, puis Batman Forever, ces affaires-là. Fait que eux autres, ils faisaient les jeux qui avaient de l'air de des humains, tu sais, ben comme bien fait. Mais... Moi, j'avais tout le temps l'impression que c'est de la qualité, Acclaim. Non, non, Acclaim, c'est comme 1 sur 10 là, de bon, là. C'est rarement bon. Tu sais, c'était risqué, louer un jeu Acclaim. Et moi, j'ai loué Narc, tu sais, et j'en revenais. J'avais tellement hâte de jouer à ça. Ben oui, moi, je l'ai acheté. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Je voyais les affiches dans le Nintendo Power, puis il y avait des petits posters, puis il avait changé la trace de sang rouge en jaune. Oui, c'est vrai. Que là, j'étais comme, hein, c'est donc bien bizarre, mais quand j'ai eu ça dans mes mains, je capotais tellement, j'avais tellement hâte de jouer, là. C'était mon meilleur jeu d'arcade. Mais on était donc bien cave de pas comprendre quand on était jeune qu'un Nintendo est pas capable de faire ce qu'une arcade fait. Ouais. Même un Super Nintendo a de la misère à le faire. Pourquoi est-ce qu'on s'attendait non, à quelque chose? Sûr. On est vraiment niaiseux. On avait vu les screenshots aussi, mais on se disait, c'est pas grave, ça va faire la job, tu sais. Ça va être correct, tu sais. Le gameplay va être là, puis ça va être bon. C'est pas grave, ça. C'est pas grave si c'est pas beau, tu sais. Ah, ouais. Mais ça c'était ruiné. Ça allait mal, tu savais pas où aller, c'était tout croche là. Puis surtout que les jeux d'arcade, l'affaire qu'on savait pas, c'est que on dépensait tellement de 25 cents. Quand tu joues sur un Nintendo puis que tu meurs à peu près 20 fois, c'est fâchant. Ben, c'est fâchant, mais t'as duré longtemps. Mettons, t'as duré, je sais pas, moi, 2 heures, 3 heures. Ouais, c'est vrai. Un jeu d'arcade, en moyenne, ça durait maximum là, en 30 minutes puis 1 heure, tu sais. Mais à l'arcade, c'était vraiment pas long. T'étais capable de te rendre loin en mettant des 25 cents. Oui. T'avais tout le temps une progression. Oui. Mais au NES, où c'est que je suis, là? Oui. Qu'est-ce que je fais, là? Pourquoi puis ça se déborde pas? Méchant bon point, là. Ben, méchant mauvais point, t'avais pas de continue. Non. Si t'avais perdu toutes tes. Ben, t'avais comme, je pense, 3 continue, puis après ça, c'était fini. Fait que si tu perdais tout, après ça, c'est comme, ah, ben, désolé, mon gars, retourne chez vous. Tu sais, c'était un peu comme Ninja Gaiden, dans le fond, le premier. Tu sais, c'était un moment. T'as des continue. T'as des continue à Ninja Gaiden. Mais t'en as comme 3. Je sais pas c'est lequel, Ninja Gaiden. À Ninja Gaiden 1, t'as 3 vies qui te font recommencer à peu près dans le milieu du tableau. Après ça, quand tu prends un continue, tu recommences au début. Ah, c'est ça, exact. Ouais. Mais en tout cas, celui-là, t'avais comme des continue limités, puis tu finissais ta game, t'avais plus rien, puis tu pouvais jamais te rendre à la fin. Ah, ouais. Fait que c'était d'autant plus frustrant. Au moins, on pouvait jouer à 2. On pouvait sauter dans Porsche, mais c'était pas le même feeling. C'était tellement cool à l'arcade. Puis là, ils ont comme tout ruiné ça. T'sais. L'enfer, la job. On était des enfants qui voulaient détruire le monde de la drogue. Ouais, pis... ouais, c'est ça. Moi, je m'en foutais de la drogue. Tout ce que je voulais, c'était la violence quand je jouais à ça. T'sais. Puis, hey, tu tirais génial. Des torpilles, man. Tu faisais exploser du monde. Oui, t'avais une mitraillette. Puis un rocket launcher de l'autre main. Puis quand tu tirais du rocket launcher, tu paf, le junkie partait, mon gars, les bras dans les airs. Hey, j'avais écœurant. Oublié ça. Les man. Chiens qui hey, couraient. C'était tellement un bon feeling de tirer du lance-roquettes dans des junkies. Tu sentais le power. Puis aussi, petit point, ils ont essayé de faire revivre la série sur PlayStation 2. Okay. Ils ont appelé ça Narc aussi. Puis ça a été un échec lamentable parce qu'ils n'ont pas gardé l'essence de Narc. Ils ont fait vraiment 2 policiers. Là, ça ressemblait à Miami Vice. Yeah. Il y avait un noir avec une grosse moustache puis un blanc style Johnny Cage. Là. Yeah, ouais, c'est ouais. Vraiment de la merde. Là. Puis moi, je l'ai loué pour être sûr que bon... d'un coup que... Mais non, d'un coup qu'un, ils n'ont pas sauvé rien. Fait que... On est vraiment fait, man. Ouais, on est fait. Mais c'est... À mon avis, c'est... Moi, c'est le jeu d'arcade dans lequel j'ai dépensé le plus d'argent. Ouais. Puis, c'est le pire part, à mon avis, parce qu'ils ont détruit tous mes rêves de jeunesse avec moi, ça. Puis, il n'y a pas moyen de les rattraper. T'sais. Non! À moins d'acheter l'arcade. Non, c'est ça. Puis, je pense que je vais lâcher l'arcade. On devrait se mettre à 2 et essayer de l'acheter, man. On devrait. On va la mettre dans ton sous-sol. C'est j'ai vrai, le droit ça. De passage. Je peux y aller quand je veux. Ouais, bon plan. On fait ça. On fait ça. Donc, après ce savoureux top 5, on va aller écouter l'entrevue de la savoureuse Shelly Sauvé-Castonguay. Ben oui. Colin, Shelly qui nous porte sa voix à toutes les semaines pour Rétro Nouveau. On est super... Vraiment content, merci super beaucoup. Super content, comblé. Puis bon, vous allez vous apercevoir que Shelly, de tous les VJ que j'ai rencontrés durant mes entrevues Musique Plus, c'est celle qui joue le plus. Oh! Fait que si vous essayez de trouver des défauts à Shelly Sauvé-Castonguay, ça s'en est sera pas un. Elle joue en tabarnouche puis elle connaît son stock. Fait que on écoute ça. Bon, fait que je suis allé avec Shelly Sauvé-Castonguay. Allô, Shelly. Allô, allô, Bruno. Allô, allô. Puis c'est ça, comme vous savez, Shelly, c'est la voix officielle de Rétro Nouveau. Fait qu'on a pensé que ça serait bon de te poser des questions à propos des jeux vidéo. Merci, c'est gentil. Quelle honneur. Oui. C'est un peu intimidant aussi, par exemple. Là, parce que... En tout cas, on va s'amuser. Ben oui. Fait que c'est ça, je voulais te demander, c'est quoi le tout premier jeu auquel tu as joué? Sais-tu, je me souviens même plus du nom parce que c'était sur la console Atari. Okay. Mon père... parce que moi, je sauvais les canettes pour pouvoir m'acheter un Nintendo. OK. puis mon père a voulu m'aider dans le processus pour que ce soit un petit peu plus rapide. Je pense que lui aussi voulait avoir une console. Oh, oui. Mais finalement, il a décidé d'acheter un Atari au lieu d'un Nintendo. OK. Puis il s'est acheté ses jeux pour lui. Okay. Mais moi, j'avais Pac-Man, que j'ai beaucoup adoré. Évidemment, c'est un classique. Mais il y a un autre jeu que j'adorais sur Atari, mais je connaissais pas le nom. C'était avec des avions, puis il fallait tirer les avions. Ah. C'était comme dans un... c'est ça, je préfère ma recherche si tu veux là, pour mieux répondre à non, la question. Mais quoi, mais... Un jeu trippant d'avion style arcade sur l'Atari. Okay. Puis c'était vraiment le fun. That's it. Wow. Mais tu sais, j'avais 7 ans, je me souviens plus du nom. Ouais, c'est ça là, quand même, ça fait un bout de temps. Là. Puis dans ce temps-là, les jeux... La plupart du temps, on pensait même pas au nom. On avait le dessin sur la cassette. Puis, c'était ça, je c'est jouer. Ça, exactement. Puis sinon, j'adorais Mario, là, évidemment, Mario Bros. Parce que j'avais des voisins qui avaient un Nintendo. Puis c'est là que j'ai vraiment trippé. Puis Duck Hunt, là, ça, je trouvais, avec le fusil. OK. Wow. Ouais, j'aimais beaucoup. Ah, c'est cool, ça. Fait que tu te considères-tu comme une joueuse occasionnelle ou hardcore? À quelle fréquence tu joues aux jeux vidéo? Je dirais plutôt occasionnelle, parce que là, comme en ce moment, chez nous, on a un Xbox 360, on a une PlayStation, tu vois, je suis encore en train de jouer à Fable, je suis en train de rejouer Fable parce que j'adore Fable. Moi, j'ai tendance à traiter ça comme des films. Si je trippe sur un jeu vidéo, je vais le recommencer à nouveau, surtout qu'avec Fable, on peut changer de personnage, c'est ça qui est le fun. Mais sinon, j'adore BioShock. OK. Batman, le nouveau Batman. Incroyable. C'est tellement un beau jeu. Tu vois, j'ai toujours quelque chose. J'ai toujours un jeu. Je suis toujours en train de jouer quelque chose. Quand ça donne, la fin de semaine surtout. Mais sinon, Drake, j'adore Drake aussi. Oui. Uncharted, excuse-moi, j'aurais dit. Tu disais que tu le traites comme un film. T'as-tu joué à Heavy Rain? Non. Parce qu'Heavy Rain, moi, justement... considérant que ça ressemble à un film, c'est vraiment mon meilleur jeu. Heavy Rain. Oui, faut absolument tu joues à ça. Je pense que c'est rendu comme 20$. T'es sérieux? Sur PlayStation? Oui, sur PlayStation. Okay, c'est exclusif à PlayStation. OK. Ça veut dire que tu joues un film. C'est littéralement ça. Puis t'as des choix moraux à faire pour tout ça. Ah, quatre finales différentes. T'as quatre personnages différents. OK. Puis tu recherches un tueur, puis t'as comme des espèces d'hallucinations, tu t'inquiètes. En tout cas, c'est vraiment le fun. OK, bien merci. Bon merci. Merci. C'est bon, parce que justement, je suis due pour un nouveau jeu. C'est quoi le jeu auquel tu joues présentement ou le dernier jeu auquel tu as joué? Bien, sais-tu, c'est drôle. Là, en ce moment, c'est mon chum qui a sa console en ce moment. C'est à lui qui joue. C'est lui, parce qu'on se partage un peu, puis parce que on joue pas nécessairement ensemble. Comme là, on joue à Gears of War ensemble. Mais sinon, individuellement, moi, je viens de terminer Fable, puis lui, c'est lui maintenant qui joue à BioShock 2. Wow! Fait que là, je le laisse. Mais en même temps, c'est comme si moi, je le jouais aussi, parce que je rentre dans le jeu, j'adore ça, je regarde ce qu'il fait, puis tout ça, j'ai comme l'impression de jouer aussi. C'est pas la même chose, évidemment, mais je passe à travers les étapes comme lui, là, finalement. C'est cool! Ouais. Tu considères-tu que t'as tout le temps joué toute ta vie, ou t'sais, t'as plus eu des étapes fortes, ou peut-être quand t'étais jeune, maintenant? Ben, à l'université, j'avais pas... Quand j'étais jeune, oui, j'ai toujours joué, parce que ma meilleure amie avait son Nintendo, puis nous autres, on jouait au Nintendo à Donkey Kong, on a tellement joué à Donkey Kong, c'est comme un de nos jeux préférés. Mais sinon, pendant l'université, j'avais pas assez d'argent. Je survivais à peine, dans le fond. Donc, ça, j'avais pas de console, j'avais même pas de télévision, dans le fond. Okay. Mais par la suite, je me suis acheté un Xbox, puis là, j'aimais beaucoup SSX Tricky. Okay. Ça, j'ai beaucoup adoré, donc ça, je jouais beaucoup. Ça, c'était mon jeu, comme en début vingtaine. Là. J'ai beaucoup joué à ça. Après ça, je me suis séparée, j'ai perdu la console. Puis après, je m'en ai pas racheté une, mais avec mon copain, on s'est racheté deux autres consoles. Puis là, on joue régulièrement. Là. Ça fait partie de notre quotidien, ça, c'est certain. C'est cool. Ben, c'est rare, ça, quand même. Je veux dire, un couple qui joue ensemble, autant l'un que l'autre, c'est très rare. Ouais. Parce d'habitude, il y a des chicanes à cause de ça. Quelle veut la console? Ouais. Là, vous avez comme chacun votre console. C'est comme... Ben, on partage les deux. C'est Okay. C'est moi qui ai acheté la PlayStation à mon chum pour Noël. Okay. Mais évidemment, c'était pour moi aussi parce que je savais que j'allais en profiter, tu sais. Puis sincèrement, comme pour lui, c'est le fun de me regarder jouer. Il aime ça me regarder jouer. Ouais. Puis vice-versa, c'est la même chose. Moi, surtout parce que lui est beaucoup meilleur que moi. Là, lui, il joue vraiment dans les niveaux plus difficiles. Puis il joue plus que moi. Puis ça fait longtemps qu'il joue. Puis... Donc, pour moi, c'est le fun de le regarder jouer parce que t'as l'impression que c'est une démonstration. Oui. C'est bien fait. Donc, moi, je rentre vraiment dans le jeu. Donc, peu importe si c'est moi qui joue ou c'est lui, il n'y a pas de chicane. On fait juste... on aime ça, les deux, là. C'est cool. Ouais, ouais. C'est génial. La seule chose, c'est que moi, j'adore Dance Dance... Central. Dance Central. Puis ça, il va pas. mais moi, la Kinect, j'adore la Kinect. Là, je suis un peu partie... C'est vrai, j'ai même pas mentionné ça, mais la Kinect, j'adore. J'ai les sports sur la Kinect. Dance Central, parce que j'adore danser. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai aucun rythme. Okay. Mais c'est bon aussi pour ton développement personnel. Finalement, tu réalises à quel point t'es poche. Mais, Est-ce que tu t'entraînes avec la Kinect ou c'est quelque chose que tu... Non, mais j'aimerais ça parce que Vladimir, Jimmy Mindron, m'a parlé de l'entraînement UFC. Oui. Puis apparemment que c'est pas mal intense, puis ça m'intéresserait. Oui, ça a l'air que c'est assez intense quand même. Ça m'intéresserait parce que je fais de la boxe, mais je trouve que c'est bizarre la façon que ça réagit parce que quand tu veux faire un uppercut, c'est plus tough. T'as comme un uppercut. En tout cas, je trouve que c'est pas ça réagit mal. Mais le fait aussi de pas le faire en vrai, pas frapper dans rien. Ouais, vois, ouais. Exact. C'est pas concret. Puis tu vois que la Kinect est pas encore. C'est pas tout à fait au point. Non. Plus une affaire de party. Là, c'est le fun, exactement. On s'amuse avec ça. Là. Ouais. Bon. Ouais. Ben, génial. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est le fun. Merci. C'est ainsi que se conclut le 25e épisode de Rétro Nouveau. Ça en était tout un, hein? Ouais, hein? Quand même assez big, là, pareil. C'était un gros épisode, mais je pense que c'est ce que le monde voulait, là. Ben ouais, puis nous autres aussi, là, on l'attendait bien gros. Puis avec ce qui est arrivé au 24 et tout ça, là, ça a augmenté la tragédie. Fait qu'on voulait se reprendre, ça fait qu'on se reprend encore avec un gros épisode, avec bien du contenu. Ouais. Fait que c'était bien le fun. Merci à tous les gens de Musique Plus qui ont participé. J'espère que vous avez aimé ça. On a mis de la musique cette semaine. Nous, on aime ça. On va continuer à en mettre. Des petits intermèdes musicaux. C'est vraiment cool. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux oreilles. Puis c'est ça. Bref, continuez à nous envoyer vos commentaires, questions. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à retro_nouveau. Puis vous pouvez aller aimer notre page Facebook. Il n'y a pas assez de monde sur Facebook. Allez aimer ça, tout le monde. Puis si vous êtes sur notre site web ou que vous regardez nos vidéos, partagez, propagez. Absolument, propagez tout ça. propagez-vous. Puis c'est ça. Fait que là, on se retrouve la semaine prochaine. Pas de problème de son. On revient dans un horaire normal. Ouais. Puis Monsieur Net va se terminer bientôt. Ah oui? Mais Rétro Nouveau continue. Ben oui, ça termine pour l'été. C'est tout le temps comme ça. C'est vrai. Fin mai, Monsieur Net prend des vacances. Eux autres vont aller au E3. OK. Puis après ça, ben c'est les vacances pour Monsieur Net. On revient la plupart du temps. On revient fin août, début septembre. Fait que c'est ça. Mais Rétro Nouveau va rester là. À toutes les semaines, on continue, on trippe. Fait que, ben c'est ça. Salut. Merci tout le monde. Bye. Retro Nouveau.